Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 41e édition du podcast du collectionneur et je ne sais plus parler. 41e ? Ouais, 41. Ouais. On approche dangereusement de l'âge de pelle. On a encore un petit peu de marge. Un petit peu. Ouais. Le truc, c'est que vu que Pelle qui est plus vite que nous. Oui, c'est ça, mais je suis dans une autre dimension en fait. Voilà. C'est ça. On le rattrapera jamais. Donc ce soir, je disais, un podcast prévu de longue date où on s'était dit qu'on allait profiter de la sortie de Détroit. Absolument pas, absolument flou. L'illusion, c'est le spectacle. Et donc ce soir, on va vous parler des jeux français, de la French Touch, du Cocorico, bref, de ce qui fait notre force en tant que créateur de jeux. Voilà. Ouais, mais on va parler aussi d'infogrammes alors. Par contre, vu qu'on parlera de jeux, on parlera pas des jeux de David Cage, du coup. Non, mais on pourra parler de Johnny. De Johnny Cage. Ouais. Putain, on est vraiment des enfoirés. Hein. Oui, et on assume totalement. Non, pas moi. Si tout le monde est encore si tout le monde est encore vivant dans 2 heures, je vous présenterai un jeu. Voilà. Oui. Mais avant, alors les petites news. De la semaine. Pas énormément de news. Hein. Pas énormément, mais comme d'habitude, du news, des petites news du côté des mini de chez Nintendo. Comme maintenant, on va commencer à s'habituer à en parler. Ah. Avec une fameuse édition limitée au Japon. Qui c'est qui a envie de nous en parler? La Jump. Oui. Ah oui, oui. Ah bah déjà, bon, le packaging est quand même superbe. Hein. Oui, bah justement, c'est justement pour ça qu'il faut acheter la console, parce que. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dedans, c'est pas bien. C'est la majorité, ce sont des jeux de licence, voilà. Dont personne connaît en France. Voilà. Et surtout, ce sont des jeux qui sont pas très bons non plus. Et surtout, voilà, pour la plupart, entièrement en japonais, voilà. Oui, compréhension de la langue nécessaire. Ouais. Alors, parmi ces jeux-là, j'en ai deux déjà. J'ai les deux. Tu sais, on en avait déjà parlé, Monsieur Chou. Tu sais, deux jeux Famicom de Shonen Jump. Oui. Voilà, et ben ceux-là, ils font partie. C'était des jeux qui reprenaient déjà des héros populaires du magazine de l'époque. Et comme le disait Bozdik à l'instant, c'est en général, sur NES, c'était vraiment pas des jeux terribles. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'était les jeux à licence Bandai de l'époque. T'as le Dragon Ball de la NES en version Jap non censurée, quoi. Ouais, celui-là, bon, on l'aime bien parce que là, c'est la. Ouais, il fait rigoler, quoi. Chez nous, il se laisse jouer. Et oui, voilà, ça va pas plus haut que ça. Hein. C'est pas du gameplay extraordinaire. Hein. Ouais. Bah, ici, ils ont quand même réussi à toper du Dragon Quest. Ah oui, il y a Dragon Quest dedans. Oui, il y a le premier Dragon Quest. Ils ont réussi à passer un accord pour avoir d'accord. Le premier Dragon Quest. Ok. Bien, en tout cas, voilà ce qui est. Moi, les premiers retours qu'on avait eus, c'est moi, j'ai lu. Quand ils ont annoncé, les gens qui ont dit oh, ils sont fous, c'est juste une NES mini avec 20 jeux dedans différents. Enfin, une Famicom mini en plus avec ses manettes ridiculement petites. Oui. Et quand ils ont annoncé que la console était dorée, ça y est, tout le monde dit « je la veux ». Non, mais c'est ça. Après, il faut être honnête, le packaging, il fait beaucoup. Le packaging est super joli, parce que ça reprend vraiment en plus l'épaisseur du volume du magazine. Et t'as l'impression que c'est un Jump. Ouais, c'est vraiment bien. Hein. C'est comme le caca doré dans Isaac, en fait. Les cacas normaux, personne tape dedans, voir ce qu'il y a dedans. Le caca doré, oh, il y a des pièces. C'est ça. Non, mais là, c'est ça. Après, le packaging est beau, mais oui. Par contre, on va mettre les pieds dans le plat et on va parler un petit peu sous, puisqu'on n'en parle pas forcément d'habitude. La console est en préco, donc chez la plupart des marchands. L'a mise à un tarif relativement. Ça va, on est en dessous, je crois que j'ai vu dans les 90 euros chez Ningame. Fred pour inclus. Pour ceux qui pensent, Fred pour out, il me semble. Pour ceux qui pensent que c'est cher, PlayAsia la balance à 120 euros. D'accord. Pardon. 120, c'est-à-dire le double de son prix au Japon. Donc je crois que PlayAsia depuis quelque temps, c'est pas que ça commence à sentir le pâté, mais voilà. Oui, non, mais parce qu'eux, ils disent que comme Nintendo ne fera jamais aucun effort pour la localiser, qu'ils sont obligés de négocier directement avec eux, ils sont obligés de monter les prix. Et 120 euros FDP out, sachant qu'ils vous font payer la douane. Donc vous comptez 20% de douane en plus. Le FDP n'a jamais aussi bien porté son nom. Donc sur le coup, malheureusement, j'ai peur que cette NES Mini, en vrai, alors qu'au Japon, elle est très bon marché, je crois que j'ai lu moins cher qu'une NES Mini normale, vu qu'il y a moins de jeux dedans. D'accord. Il y a toutes les chances qu'on ait aucune chance de la payer moins cher, nous. Non. Donc, non, en plus, c'est un truc de niche. Quoi. Ouais. C'est vraiment un truc de niche. Quoi. Voilà. Et ça coïncide justement quand même avec la NES Mini qui revient chez nous aussi. Ouais. La première version. Effectivement, donc les revendeurs en PLS, la NES Mini va être refabriquée à nouveau. Ça avait été annoncé, c'est confirmé. Ça sort début juillet. 50 et 60 euros. Comme dit Beyond, les revendeurs en PLS, c'est que 50 000 apparemment NES Mini vont être mis sur le marché. Et puis à 50 euros ou 60 euros, voilà quoi. C'est cool. Moi je trouve ça bien. Ils ont compris qu'ils avaient fait une erreur. Vendant pas suffisamment parce qu'il n'y avait pas assez de. C'est ça. Et moi, je l'avais raté, la NES Mini, et puis il était hors de question que je dépense une somme astronomique. Donc, du coup, j'étais content qu'ils annoncent. Non, mais c'est bien pour ceux qui, effectivement, n'avaient pas pu l'acheter. Il y aura des NES Mini, il y aura des manettes supplémentaires, mais en nombre plus réduit. Mais en même temps, les manettes Super NES Mini fonctionnent dessus, donc ils n'en font pas, les gens. Et puis la Super NES Mini, maintenant, elle a des prix relativement corrects. Oui, et puis ça a tout redescendu. 70 euros, on peut en avoir. Oui. Voilà. Oui, oui. Suffisait d'attendre un peu. Bon, après, il y avait aussi à un moment donné le bon pif d'Amazon avec m'avertir quand cet article sera disponible. C'est comme ça que j'ai eu la mienne de NES Mini. Oui, c'est un truc qui marche toujours, effectivement. Ça, c'était quelque part le bon pif. Ou pour les connaisseurs, il y a le petit singe. Ah oui, il est super efficace. Et ça marche bien. Pour finir le tour de ces mini Nintendo, il se trouve que Nintendo a apparemment déposé un petit brevet pour une N64 au Japon. Donc ça y est, tout le monde s'excite en disant bon, ça se trouve, ça ne va rien donner. Hein. Pas moi. Mais, on commence à parler d'une Nintendo 64 Mini. Oh, moi, je suis absolument certain. S'il n'y a pas les jeux rares, pas moi. Bah, il n'y en aura pas. Hein. Voilà. Ah, bah, il n'y aura pas les jeux rares. Voilà. Donc, c'est Martin. Oui, je sais, mais bon, moi, tu me ressors une Nintendo 64 Mini, tu mets du GoldenEye, tu mets du Perfect Dark, avec les manettes. Imagine. Bah, en même temps, quand tu vois. Sur un bon écran, je suis content. Faut quand même relativiser. Fury, pardon, rapidement. Oui, voilà. Non, la manette Wii U Pro n'est pas compatible NES Mini ni SNES Mini. Vas-y. Okay. Mais enfin, quand tu vois la qualité catastrophique de l'émulation de 1264 sur les Raspberry, les Odroid et machin comme ça. Je suis d'accord, mais après c'est Nintendo. Le problème, c'est que là, le petit chipset de la NES Mini et de la Super NES Mini va pas être suffisant. Non, il suffira. Et il va se poser une question de qualité d'émulation. Parce qu'aujourd'hui, la Nintendo 64, ça boit très bien, c'est pas parfait. Alors par contre, Nintendo, ils savent l'émuler, la 64. Hein. Ils en ont sorti des jeux 64 en Virtual Console. Oui. Oui, mais sur quel hardware aussi? Donc ce sera pas pas la puissance qu'il y a dans la NES Mini ou Mais après, ça reste Nintendo, s'ils veulent le faire. C'est qu'ils ont les capacités et qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent déjà l'émuler la 64. Voilà. Donc, on n'est pas sûr de ce qu'ils vont faire, mais si jamais ils envisagent de le faire, c'est que derrière, je pense que ça sera carré. Après, ça se trouve, c'est un brevet, en fait, on ne l'a pas compris et ça va être une compile de jeux. C'est un brevet pour éviter que les gens sortent des copies. C'est vrai, on ne sait pas. Ou alors, oui, voilà, c'est ça, ils déposent le brevet, comme ça, personne ne peut le faire, et puis voilà, basta. C'est ça. Un truc à la Apple, tu sais. Ouais. Mais même hors jeu rare, je veux dire, Nintendo, ils ont un catalogue 64 qui est quand même cool. Hein. Tu sais, ils peuvent mettre du Paper Mario. Totalement. Après, moi, je parle pour moi. Ouais, ils peuvent mettre des Lego Emon aussi. Je suis amoureux des jeux rares. Les Sin and Punishment, par exemple, c'est sur le clave. Moi, je serais content. Les Lego Emon aussi, c'était Lego Lego Emon 64 qui était pas mal. Ouais, ils ont de quoi faire. Ils ont quand même Donkey Kong 64, hein. C'est un jeu rare. Mettez les jeux de catch avec un mode en ligne et je pourrais jouer contre Monsieur Chou. C'est vrai que rare. Mais non, tu vas prendre Sting et tu vas tricher. Grave. Enfin, voilà. Bon. Tout ça pour dire que les mini chez Nintendo, on n'a pas fini d'entendre parler. Oui. Et il y a un autre très très gros indice qui va dans ce sens-là, puisque Nintendo a clairement annoncé que pour la Switch, il n'y aurait pas de consoles virtuelles, comme la Wii U, ni la Wii, ni la 3DS. Ouais. Ça veut bien dire qu'ils vont chercher un autre moyen de nous vendre ça. Mais bien sûr, il n'y a pas moyen qu'ils s'assoient sur une manne financière. C'est ça, et on est dedans, c'est les mini. C'est les mini. Mais elle est bizarre, alors, comme Nintendo, parce qu'au lancement de la Switch, il laissait sous-entendre que ça apparaîtrait. Là, ils vont nous dire que pour le mode online, apparemment, on aurait des jeux NES ou autres. Il y aurait une dizaine de jeux NES gratuits avec des fonctions en ligne supplémentaires. Ouais, voilà. Et du coup, honnêtement, je vais attendre l'E3. Alors, ils n'auront pas de conf E3, on va dire, traditionnel. Ils auront un truc à l'E3. Leur Trios. Ouais, voilà. J'attendrai. Parce que je pense qu'ils vont quand même dire des trucs là-dessus. Bah, il faudrait, ils sont en plein dedans. Là, c'est pas clair. Là, tu vas payer le online, c'est quand le online qui doit être payé ? Septembre. Tu dois commencer à le payer en septembre. Ils vont certainement communiquer là-dessus et te dire exactement ce qu'il en est. Ouais, voilà. Je pense que mieux attendre avant de faire des plans sur la comète. Parce que là... Voilà, on attendra le 3 impatiemment pour les nouvelles de la mini et pour Star Fox F-Zero. Ouais. Et Metroid. Ouais, Star Fox F-Zero, putain. Non, j'ai rien entendu. Mais non, mais alors, bon, puisqu'on a mis les pieds dans le plat, mais si c'est Retro Studio, ça va. Enfin, non. Bon, le fanboy qui parle, mais Retro Studio, ils ont fait que des bons jeux pour l'instant. Donc, je veux dire, ce sera peut-être pas un mauvais jeu, c'est pas le problème, mais ça fait mal quand même. C'est pas un mauvais jeu, c'est juste le crossover qui m'interpelle. Voilà, donc on verra. Et si ça se trouve, encore une fois, c'est une rumeur mal interprétée, on sait pas quoi. Voilà. Non, mais le règne d'y penser, je rigole déjà, pardon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre en news? À part ça, on avait donc l'annonce de Sega, donc sur le coup, qui nous a laissé mi-figue, mi-raisin. Puisque d'un côté, Sega nous annonce qu'ils vont remasteriser Yakuza 3, 4 et 5. Ouais. Mais comme on s'en doutait un peu, ce ne sera pas le travail de Kiwami et de Kiwami 2, qui avaient besoin d'une réelle refonte graphique depuis la PS2. Parce que là, on parle de jeux PS3 qui seront juste remis au goût du jour en 1080p et 60fps. C'est quand même déjà fort appréciable d'avoir ce jeu. Oui, mais surtout, n'oubliez pas que nous, on a eu une version de Yakuza 3 qui était charcutée. Hein. La version de Yakuza 3 était charcutée. Yakuza 5 était dispo qu'en téléchargement chez nous. Donc, c'est vrai que. Mais c'est vrai, t'as raison. J'ai vu. On a une chance de les avoir en complet. Là, en fait. Ils ont fait des images de Yakuza 3 en plus. Franchement, ça va. On voit que c'est un jeu PS3. Les mais. Gens qui sont fanboy, moi, je vais les racheter. Bah, moi, je les ai jamais fait. Et je kiffe. Donc, j'achète tout, moi, je prends tout. Après, ils n'ont pas été annoncés en Europe encore. Ouais, ouais. Et puis, l'idée, tu sais, d'avoir quand même l'intégralité sur une même machine, c'est quand même plaisant. C'est appréciable. C'est appréciable. C'est totalement appréciable. Après, moi, j'attends qu'ils fassent un remaster du Dead Soul. Bah, ouais. Hein, Fury ? Un bon petit Dead Soul remasterisé, ça nous ferait du bien. Mais Et bonsoir, Mérovingien. Ouais. Ne t'en fais pas, on a commencé en retard la faute à Windows 10. Mais ouais, le moi je les prendrais, mais en plus, les ayant jamais fait et les ayant jamais eu, je prends sans problème. Pas de problème. Moi je les ai fait, mais comme on aura des versions complètes, mais le 5 on l'aura en boîte, moi le 5 en démat. Alors attention, parce que ça ils ont pas dit, hein. Comme je dis, ils ont pas encore été annoncés chez nous. Et ils n'ont pas dit qu'ils les vendraient le Kiwami, en boîte ou pas. Vendu, hein. C'est bien vendu, le Kiwami 2 se vendra, je pense, correctement. Oui. Et puis alors, les 3, 4, 5 sont sortis. Et surtout, attention, ils sortiront pas le 3, 4, 5. Tel que c'est parti, ils vont sortir le 3, puis le 4, puis le 5. Oui, hein. On a déjà la date du 3 au Japon pour l'instant, donc ça veut dire qu'ils les sortent, oui. Ils ont dit de toute façon le 3 au Japon en août, le 4 en hiver, du coup de Noël, et le 5 au printemps 2019. Ils ont déjà dit, hein, donc. Oui. Enfin, bon, donc maintenant, on a plus qu'à attendre. Mais oui, moi je suis totalement client et je les prendrai certainement. Ils sortent en Europe, je les prends. Mais c'est Yakuza. Voilà. Il a raison. Bon, est-ce qu'on avait une autre news? Moi, je voudrais parler d'un petit truc. Ah. Ouais, vite fait, hein. Parce que je parlais de la manette, la manette Mega Drive sans fil de chez Krix, machin. J'ai pas pu la tester à fond, et il y a une très bonne raison. Vous allez tous comprendre. La manette en elle-même, au niveau du poids, au niveau des sensations des boutons et tout, c'est nickel. Le temps de réponse, on ressent pas de lag et tout. Donc la manette en elle-même est vraiment parfaite à un détail près. Il y a la croix directionnelle. Moi, quand j'appuie sur O, ça fait très bizarre. Le feeling est très bizarre. Et en fait, j'ai regardé des retours sur le net et je suis pas le seul à avoir un problème avec la croix. Il se trouve que c'est le fabricant, le mec qui fait les moules, qui a un peu chié dans la colle. Et du coup, grosso modo, si j'ai bien compris, elles sont toutes défectueuses. Donc, c'est pas injouable. Elles sont totalement utilisables, mais elles sont plus à la vente. Et il va remplacer toutes les manettes de tous ceux qui ont le défaut. Voilà. Ah, c'est pas cool. C'est cool qu'il remplace, mais c'est pas cool. Donc, pour l'instant, même si vous avez les moyens de les acheter, même s'il les a sortis de son site, mais même si vous avez les moyens de les acheter ailleurs, ne les achetez pas, honnêtement. Parce que c'est pas rédhibitoire, mais c'est chiant, quoi. Voilà. Non, mais quitte à acheter un truc autant qu'elle fonctionne correctement. Du coup, je ferai un vrai test plus tard, mais pour l'instant, voilà, les sensations sont cool. Il y a juste cette croix quand t'appuies sur haut, ça fait une sensation très bizarre. Ça grippe, le bouton clique pas. Enfin, il s'actionne, ton perso il fait ce que tu veux, mais c'est bizarre. Donc, bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord, Donc, il fera pas faillite, vu les verres qu'il vend et le prix qu'il les vend, c'est bon. Juste une toute petite chose, on avait terminé le podcast la semaine dernière, tu sais, sur l'histoire de la Neo Geo Mini, et on avait eu confirmation, le lendemain, comme quoi, effectivement, c'était bien ça. Quoi. Par contre, on n'avait juste pas prévu le coût de la lime vendue à part. Sérieux? J'ai pas suivi ça. Oui, la lime est vendue à part. Il faut une Nintendo, Et vous avez quelques petits montages sur Internet qui montrent la taille comparée à une Switch. Je confirme que pour jouer avec la mini board, Il faut être optimiste ou avoir 5 ans. Mais non. Non, mais la Switch, c'est un écran assez grand déjà. Ben moi, je suis vieux, je vois mal. Ouais, moi aussi. Bon. Est-ce qu'on a fini pour la news, les enfants? Je pense que les news, c'est bon. On va pouvoir passer à notre nouvelle rubrique dont nous cherchons encore un nom. On va finir par lancer un concours, je pense, sur YouTube. Ouais, ça me semble pas mal, ça, un concours YouTube. Et non rémunéré, bien évidemment. Ah oui, bien sûr, le gagnant a gagné. Voilà. Et donc, rapidement, moi, donc, je vais parler d'une petite chaîne Twitch que j'aime bien. Comme souvent avec moi, on va aller de l'autre côté de l'Atlantique chez les Américains, parce que si c'est américain, c'est bien, merci. Et donc. Pardon. Le bide. Ah non, mais ça oublie l'armée des ténèbres, mais que voulez-vous que je fasse? Et donc, sur le coup, une petite chaîne, un petit streamer qui s'appelle Bovine Divine. Que je connais pas. Dont je mets le lien sur le chat. Qui est donc un streamer 100% US, qui ne stream pour lui, il stream dans la nuit du vendredi à samedi et des fois dans la nuit du samedi à dimanche. Pour nous, ça tombe le vendredi vers 8h du matin et ça dure quasiment toute la journée. Il peut faire des streams de 7-8h d'affilée des fois. Son principe, c'est jouer uniquement sur le vrai hardware. Ah, ça me rappelle à quelqu'un, ça. C'est-à-dire du vrai hardware modifié RGB quand c'est possible. Oh, ça me rappelle quelqu'un, ça. Et avec une obsession d'avoir la meilleure chose possible. C'est quelqu'un, par exemple, parle des trucs un peu compliqués, qui a une Panasonic Q modifiée RGB dézonée pour pouvoir streamer de la GameCube, ou qui a de la Game Gear et de la Lynx avec une sortie VGA pour pouvoir jouer sur la vraie console pendant qu'il stream avec les vrais jeux. Donc ça fait un petit peu extrémiste dit comme ça, c'est le cas, lui parlez pas d'émulation, mais c'est quelqu'un de très sympathique qui va vraiment vous accueillir les bras ouverts si vous aimez le rétro et voilà, et n'hésitez pas à faire un coucou si vous parlez bien l'anglais et à dire qui vous êtes et ce que vous aimez. C'est toujours agréable d'échanger avec des gens outre-Atlantique qui ont une vision un petit peu différente parfois du rétro et qui vénèrent le RGB comme s'ils en avaient jamais eu. C'est normal, ils en ont jamais eu. Ça c'est dégueulasse. Moi je le vénère le RGB, voilà. Mais parce que je l'ai eu. Voilà. Donc sur le coup, qui est-ce qui avait envie de mettre en avant quelque chose? Moi, j'ai une chaîne YouTube qui n'est pas une chaîne de jeux vidéo, mais une chaîne sur le cinéma de genre. Un cinéma que connaît très très bien Bion. Ah. Donc ça s'appelle Le Coin du Bis. et c'est un monsieur lyonnais qui est ancien propriétaire d'un vidéoclub, qui vient d'arrêter, qui parle régulièrement de différents films et de surtout ces différentes thématiques sur le cinéma de genre. Donc ça se regarde très bien, c'est assez bien fait. Je vous mets le lien dans le chat aussi. C'est quoi le format ? C'est des vidéos d'une vingtaine de minutes. D'accord. La majorité. Pour faire court, pour ceux qui connaissent, c'est comme le Fossoyeur, mais d'un côté beaucoup plus, on va dire, il rentre beaucoup plus dans les choses. Il va vraiment se concentrer sur des films, des fois, mais sur un certain genre. La non-exploitation, les psycho-killers. Et sans l'appel. Sans l'appel. J'ai mis le lien dans le chat, c'est bon. Et aussi, aller voir Dollywood. Dollywood, elle fait des très bonnes vidéos. Ok. Et c'est quelqu'un qui rend les choses assez... qui vulgarise ou qui, au contraire, va avoir un propos assez technique, hein ? Il vulgarise quand même. C'est technique de base. C'est, si tu connais pas le cinéma de genre, si t'es pas habitué... Oui, voilà, il faut avoir envie d'y rentrer dedans. Mais j'aime bien la façon de faire. Le Fossoyeur, c'est très sympa, c'est bien écrit, tout ça, mais des fois, c'est quand même un peu verbeux et abscon. Bon, c'est gentil. Oui, ah, il s'adresse à des gens qui connaissent le cinéma. Mmh. Même s'il essaye de, quand même de vulgariser, il parle à des gens qui ont une connaissance cinématographique, et ça se voit, quand, ça s'entend quand tu regardes ces vidéos. Le Coin du Bis, un peu plus bonne franquette, on va dire. Ok. Mais bien technique. Et puis il a fait du Carpenter. Donc. Voilà. D'ailleurs, la dernière vidéo du Fossoyeur également traite d'un film qui a reçu le Grand Prix malaisant. De... Non, mais ça c'est mon film préféré, Prince. C'est Prince des Ténèbres. C'est... Voilà. Donc le Coin du Bis, c'est bien, mangez-en. Bon. Ensuite, quelqu'un d'autre avait envie de lui mettre une chaîne en avant qu'il aime, qu'il apprécie ou... Non. Par contre, j'ai peut-être pas envie de parler de Windows 10 qui est en train de me rendre fou. Ah. Alors moi, je vais rien mettre en avant parce que globalement, les gens qui font des trucs sur Internet, je peux pas les saquer. Et j'aime pas Internet. Voilà. Merci. C'est tout à ton honneur. Bon, Pelle, quoi ? Non, rien. Ok, on va pouvoir passer à notre. Non, mais, en fait, je me dis, si tout le monde balance ses trucs dès maintenant, on n'en aura pas pour la prochaine édition, donc c'est pour ça que j'ai rien pour l'instant. Tu rigoles, avec tout ce qu'on a, moi je pourrais t'en citer des plein. Donc tu peux, vas-y. Ah non, mais. Non, je rigole pas. Sinon, moi je ne regarde pas beaucoup de trucs sur le net en vrai. Donc, à part un monsieur qui fait de la musique avec des canards en plastique et. Je suis en PLS à chaque fois. Allez voir les vidéos de Big Marvel. Si vous riez pas, vous n'avez pas compris. Voilà, c'est ça. Big Marvel, vous regardez une vidéo. Ouais. Si vous rigolez, c'est bon. Si vous rigolez pas, abandonnez. Ouais, mais il faudrait qu'ils arrivent jusqu'à la folle qui fait des bruits avec sa bouche. Non, mais ça, c'est pour les gens avertis. Ça. C'est pour public averti. Ça. Faut s'échauffer avant. Voilà, bah, merci pour ce moment. Okay. Donc sur le coup, on va pouvoir passer à notre plat de résistance, hein, qui sont donc les jeux vidéo venus de la France. La France. Alors, qu'on disait un peu avec Chouavant, bon, les jeux vidéo en France, ça a commencé très tôt en vrai, puisque à l'époque de la folie des Pong-like, les sociétés françaises se sont déjà dit qu'elles pouvaient après tout en profiter. Et on a vu notamment, donc pour les collectionneurs avertis, des Pong-like avec la marque Seb. Yep, c'est bien. Effectivement. Bah, quitte à faire des autocuiseurs, autant faire des ponts. Hein. Bon, pourquoi pas ? Après tout. Bah voilà. Mais bon, le problème, c'est que ces milliards de clones Pong n'aidaient pas franchement à se distinguer. C'est après, lorsque on s'est mis à faire des vrais jeux vidéo, que les Français ont commencé donc à, ben justement, à se distinguer de la scène avec une... je sais pas, une certaine qualité d'écriture, avec ce qu'on finira par appeler au fur et à mesure du temps la French Touch, oui. qui est toujours un concept un petit peu flou et vague. Un petit peu pompeux aussi, quand même. Ouais. Un petit peu. Oui, et ça veut tout rien dire, la French Touch. Oui. Hein. Enfin, ça marche en musique, au cinéma, en jeu vidéo, en oui, livre. Voilà. C'est la French Touch, d'accord. C'est un terme à la con pour tout, et puis finalement... Et donc moi, comme je disais, un des premiers souvenirs que j'ai informatique de jeux français, c'est le logo d'Infogrames. c'est-à-dire c'est le logo du tatou. Ah, le tatou, ouais, oui. Ouais, le voilà. Tatou, ouais. Pas le... Donc, Infogrames a eu un précédent logo avant qui ressemblait un petit peu à rien pendant quelques mois. Et dès septembre 1983, le fameux tatou. Et moi, je me souviens, oui, très bien de ce tatou sur mes premiers jeux sur des ordinateurs français. Ah bah oui, et, on te rappelle de ça ici. Voilà, Infogrames, c'est le chaud et le froid. Infogrames, c'est la boîte qui a sorti des bonnes choses comme des mauvaises. C'est la boîte aussi de Bruno Bonnel. Il n'est pas la personne la plus appréciée au moment. Ah ouais. Comme quelqu'un de... Oui. Oui. Ah, c'est quelqu'un qui aimait bien se présenter dans ses jeux, hein. Bruno Bonnel présente. C'est quelqu'un, on va dire ça. Ouais. Voilà. Bon, est-ce que vous avez des souvenirs de jeux Infogrames en particulier? Le problème, c'est que moi, j'ai fait un gros bond dans le temps, mais donc je préfère vous laisser parler d'abord. Ça dépend si on parle de Infogrames. Après, Infogrames, c'est un peu, comment dire, c'est comme certains boss dans les jeux vidéo, il y a plusieurs formes. Ouais. Oui, totalement, il y a différentes périodes. Après, moi, là, si tu prends la période Master System, c'est tout. Master System, Super, Mega Drive, c'est toutes leurs adaptations de licence. Parce que moi, mon premier jeu Infogrames, c'était les Schtroumpfs sur Super NES, en fait. Donc, oui. Moi, ça a dû être un Astérix, Master. C'était des jeux qui n'étaient pas vils, quand même. Non, les Schtroumpfs sur Super NES est un bon jeu. C'est un bon jeu. Par contre, il est dur, quand même. Putain, j'en ai chié. Mais le point commun, là, déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'Infogrames partait toujours, quand même, sur une fidélité extrême graphique. Ah ouais, oui. Ça, par contre, on ne peut pas leur enlever. Ils n'ont pas d'équivalent chez d'autres éditeurs. Hein. Oui, ils ont juste pas compris qu'il y avait un gameplay aussi derrière. Ouais. Le truc, c'est que... Évidemment, la position de français d'Infogrames leur a permis d'avoir des relations privilégiées avec les éditeurs de bandes dessinées en France. Ouais, carrément. Et relativement étroites en termes de conception graphique qui leur permettaient. Lorsque les artistes français se mettaient bien à l'œuvre, graphiquement, il n'y a pas grand-chose à reprocher aux jeux de l'ère NES, Super Nintendo, aux jeux Infogrames. Ouais, c'était même fou, hein, franchement, ça reprenait tellement bien la patte. Quand tu voyais un Tintin, un Schtroumpf et tout ça, c'était d'une fidélité mais extrême. C'est juste vraiment beau. C'est des beaux jeux, ouais. Ouais, voilà, ça, le problème, c'est que c'était des beaux jeux, ouais. Bah ouais. Derrière, ouais, c'était aride quand même. Hein. Enfin, les Schtroumpfs, je me souviens, premier niveau, enfin, tu marches, alors les Schtroumpfs te font des dégâts, les flaques d'eau te font des dégâts, les feuilles te font des dégâts. Alors, le truc, c'est que déjà, bon, il faut s'imaginer que nous sommes dans les années 80-90. Pour vendre un jeu, vous devez avoir des belles photos sur la jaquette. Ouais. Plus après l'adaptation d'une bande dessinée française, et quand tu étais en France, tu étais obligé à un moment ou à un autre d'être attiré par ces jeux-là. C'est ça. Et que ce soit un jeu de plateforme. Oui. Infogrames, oui. Ouais, c'est un jeu de plateforme. À un moment donné, tu étais aussi obligé d'avoir des trucs un peu familiers pour relaxer la ménagère, entre guillemets. Voilà. Tu commences à avoir des petites controverses, c'est méchant, c'est violent, ça rend con. Bon, ça rend peut-être pas forcément aussi con que la télé, mais bon. Oui, non, mais totalement, c'est clair. Hein. Tes parents, ils entraient, ils voyaient un jeu, je sais pas, Astérix, ils disaient, ça va être bien Astérix quand même. Ah oui, ils étaient réconfortés. Hein. Ah, carrément. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que tu as eu des trucs chez Lauriciel à l'époque du MO5, des jeux totalement bizarres comme Intox et Zoé qui étaient. C'était le concept d'une émission de TF1, une émission d'ailleurs très très bizarre. Tu regardes ça, je pense, à jeun, t'es pas bien. Et je l'ai fait. Ça m'a laissé des séquelles. Et du coup, ouais, pour le coup, fallait avoir des choses que, entre guillemets, le PK moyen comprenne. Peut-être pas pour que ça se vende, mais pour que ça rassure, peut-être avant tout. Oui, voilà. De toute façon, les bandes dessinées. C'était souvent Dupuis, tout ça, et puis Casterman avec Hergé, machin et tout. C'était quand même des trucs extrêmement populaires et les parents forcément connaissaient ça. Donc il y avait un côté rassurant, évidemment, donc pour les enfants. Parmi les oubliés de l'époque, parce qu'on met toujours en avant les Astérix, les Tintins ou ce genre de choses. Désolé, je viens de rire, mais c'est nerveux. Les Tuniques Bleues. Il y a eu une adaptation. Je pensais plus à l'adaptation de Lucky Luke. Sur Super Nintendo, qui est un peu passé complètement. Alors, lui, personne n'en parle jamais. Ah oui, c'est vrai. Lui qui existe sur Super Nintendo, dans un jeu de plateforme qui n'est pas dégueu, plus, hein. Ni meilleur que les autres et qui est tout à fait acceptable. Sur Game Boy, c'était Infograme aussi ? Oui, aussi. Ouais. Ah bah, lui, et... par contre, j'ai pas passé et... des bons moments sur celui-là. Et pour le coup, on va forcément devoir parler des saloperies Infogrames comme Tintin ou Tibet. J'ai un pote, il y a quelques temps, il m'a dit la version Game Boy est pas si nulle. Il a joué devant moi, bon. C'est Tintin au Tibet, d'accord. J'ai joué il y a quelques mois. Bah. Bah, en fait, c'est pas aussi caca que les versions. Voilà. Non, mais même la version Super, faut être honnête. Le genre du grenier, il a fait sa vidéo, les gens ils se sont dit c'est pourri. Mais c'est pas pourri, c'est juste que le timing est différent de certains jeux que tu peux connaître. Et oui, c'est compliqué. Mais c'est un jeu qui n'est pas dégueulasse en tant que tel. Mais non. C'est juste qu'il est, oui, il est dur parce qu'il faut apprendre des trucs par cœur, il faut être. Ouais. C'est pas facile, mais ça en fait pas un jeu pourri. Tintin au Tibet, tant que tel, n'est pas un jeu pourri. Oui, oui, il y a eu plein de jeux qui sont plus pourris que ça. Hein. Tellement. Oh oui, oui, on va en parler d'ailleurs après. Il y en a des sacrément gratinés. Je vais juste parler rapidement aussi d'une autre légende pour surtout le premier Astérix sur Master System. Oui, ce n'est pas Infogrames. Ah oui, voilà. C'est oui. Ces gars. Et tu parles de celui où on dirige Obélix aussi ? Je parle de celui qui est bien. De plateforme, oui. Non, mais qu'est-ce que là, c'est bien. Très, très beau. Très, très beau. Voilà. Le premier Astérix Master System est vraiment excellent. Et c'est Sega. C'est Sega qui l'a développé. Ce n'est pas Infogrames. Voilà, parce qu'il y a eu quelques jeux comme ça qui ont échappé à l'égide d'Infogrames. Mais par contre, franchement, l'Astérix le plus populaire qui était sorti sur Super NES, il est extrêmement basique, classique, mais il n'est pas désagréable non plus, quoi. Je trouve que c'est pas... C'est un jeu de plateforme classique de l'époque. Oui, voilà. Ouais. Parce qu'on a beau dire, il est dur. Il y avait plein de jeux pas faciles à l'époque. Hein. Oui, vraiment, totalement. Hein. Voilà. C'est un jeu rétro, vous attendez à quoi, les mecs ? C'est ça. Parce que c'est voilà. Quand aujourd'hui on dit qu'un Tintin en Tibet ou un Astérix est difficile sur Super Nintendo, et quand à côté de ça on voit qu'un jeu comme Agané est toujours porté au nu. Ouais. C'est pas lequel c'est le plus facile. Alors, hein. Non, non, mais il y a sans zéro à gagner, mais sans zéro. Franchement, à gagner en termes de difficulté, mais sans zéro à tout ce à quoi j'ai joué sur Super NES. Hein. C'est-à-dire, je pensais qu'avec Contra, tu vois, avec Contra 3, j'avais atteint le. Voilà, je crois que j'avais atteint le summum, mais en fait, putain, quand on m'a fait toucher à gagner l'année dernière, j'ai fait. Maman, c'est paradoxal parce que généralement les premiers à râler sur la difficulté de ces jeux sont ceux qui apprécient des jeux comme Cuphead et des jeux qui sont vraiment très exigeants. Bon, pour le coup, il y a un peu le côté hypocrite dans cette démarche. Par contre, chose qu'on peut vraiment, je pense, tous tomber d'accord, bah, les musiques sur le Astérix d'Infogrames, elles n'étaient pas très belles. Je m'en rappelle pas. Alors moi, je m'en souviens un peu. Je m'en rappelle pas, c'est des jeux que j'ai... Sur quelle console, sur Master System. Je sais pas là, je pourrais pas dire. Je suis sur Super NES, il y avait quelques thèmes musicaux qui me restent encore dans la tête. Et après, pour le coup, c'est aussi pseudo-critique qui est « Oui, mais il n'y avait pas le thème de la série. » Mais c'est un jeu vidéo, les mecs. En même temps, tu croyais quoi ? Qu'on allait entendre Astérix et là, chanté par voilà. Qu'est-ce que tu vas faire avec le chipset d'une console 8 bits ? Qu'est-ce que tu vas faire avec ? Voilà, tu essaies de faire un semblant de mélodie, il faut être honnête, c'était la première génération de console où tu avais du son. On était mômes, on était mômes. Du son en temps, voilà. On s'en foutait qu'il y avait une musique de dessin animé. Hein. Ce qui nous éclatait, c'était de jouer Astérix, Obélix, le reste, on n'avait rien à cirer. Et s'il y a des Romains et des sangliers. Trop, voilà. Tu peux mettre des grosses patates de forain. Voilà, le reste, on s'en fout. Bon, par contre, attention, parce qu'on dit du mal d'Infogrames, mais Infogrames a quand même marqué son temps. Et là, je voudrais évoquer en particulier un des jeux les plus réputés d'Infogrames, qui a fait exploser un programmeur qu'on connaît tous, qui s'appelle Frédéric Reynal, la série Alone in the Dark. Ah oui, oui, là par contre, oui. Qui a littéralement inventé le survival horror en 3D. Contrairement à ce que Shinji Mikami pense. Oui, et contrairement à ce qu'il continue à dire que non, il ne s'est pas inspiré d'eux. Mais... Bon, voilà, c'est pas grave, tu peux le dire. Hein. T'as le droit de le dire, c'est pas grave. Justement, s'inspirer des meilleurs, c'est preuve de sagesse. Oui, en plus, ton Resident est très bon. Hein. Oui, voilà. Donc tu peux le dire. même si la série n'a pas toujours pris par la suite des chemins très heureux suite justement au gros désaccord entre Frédéric Reynal et Infogrames et à son départ, le premier a réellement... Et pour le coup, c'est là vraiment des derniers jeux où t'as le, entre guillemets, le Infogrames historique. Mmh. Avant les différents rachats, fusions et compagnie. Quoi. Oui, mais totalement. Et on était donc en 1992. Mais le Alone in the Dark, c'était vraiment un truc de ouf, parce que tu... Enfin, il a mis en place des pièges qui font que à chaque fois que tu ouvrais, mais juste le fait d'ouvrir une porte, tu te disais « Putain, je vais crever, la porte, elle va me bouffer !» la pression de chaque instant, quoi. Non, sans déconner, c'était super bien réussi, son truc. Hein. Maintenant, on connaît tous ces... C'est l'un des premiers jeux à utiliser l'univers de Lovecraft. Aussi, ouais. En tant que tel, quoi. À s'inspirer de Romero et de Lovecraft. Mmh. C'était cool. Maintenant, il a vieilli. Mais si vous y jouez maintenant, il y a quand même encore des mécaniques, des plans de caméra qui sont saisissants. Outre la réalisation, évidemment, 3D extrêmement sommaire, ce qui va poser le plus de problèmes aujourd'hui, ça va être le maniement. Et oui, ouais. Comme beaucoup de DPS. Ouais. Et puis la lenteur. La lenteur, parce que c'est lent, mais c'est... C'est propre de l'époque aussi. Ouais, hein. C'est lent peut-être aussi parce que les devs de l'époque voulaient avoir des belles animations. Tu crois pas? Regarde un jeu comme chaque fou, le jeu graphiquement il est pas moche. Ce qui tue le jeu, c'est les animations qui durent. Non, après je pense aussi qu'il y avait la limitation technique de l'époque. Oui aussi. Qu'il y avait aussi une grosse partie de limitation technique. Même si le jeu pour l'époque est cool, fait quand même la limitation technique. Ouais. C'est cette 3D qui demandait beaucoup de ressources, même pour juste un personnage. Ouais. Ça me fait penser à Little Big Adventure, qui est le petit personnage qui avançait un peu. C'est aussi pour ça qu'il y avait des décors en précalculé. Ils avaient Little Big Adventure, mais ce serait-il pas un jeu de Frédéric Reynal? Mais voilà. Mais oui. Mais dis donc. Oui, il a récidivé par la suite. Ben voilà. Mais ça, on en parlera plus tard. On en parlera plus tard, parce qu'il y a fait autre chose. Après, Frédéric Reynal sortira Little Big Adventure chez Adeline Software. Voilà. On parlera d'Adeline Software lorsqu'on parlera de Delphine Software, donc sur les deux boîtes sont liées. Et du meilleur ami de Monsieur Pell. C'est ça. Oui, ben, on a commencé à en parler, en fait, avec chaque fois. Oui, c'est Monsieur Chou qui a commencé. Et un dernier jeu, Infogrames aussi, quand même, qui a l'air de rien, qui a très très bien marché à l'époque, c'était le Verali. Oui. Sur PS1. Mais là, pour le coup, on est rentré plus dans l'époque rachat par Hasbro et tout ça, non? Oui. Ben, après, ça reste un jeu fait par un studio français, le studio Eden Studio. Et voilà, c'est Verali à l'époque a su s'imposer. Alors, avec le recul, pour moi, Verali, c'est un jeu à l'époque qui m'avait laissé un petit peu. J'avais acheté et j'étais un peu du style mais. Il y avait Sega Rally aussi. Ah oui. Moi, j'avais Sega Rally sur Saturne, j'avais le Verali après, j'ai dit bon, oui, d'accord. Avec ces voitures un petit peu volantes qui, des fois, on avait un talus de 5 cm de terre, la voiture avait ses 4 tonneaux, on disait qu'est-ce qui se passe. Ça avait été un succès colossal hein, quand même. Parce qu'il était bien, mine de rien, le jeu était plutôt bon. Ouais. Vraiment bon. On parlait de jeux qui nous avaient marqué d'Infogrames. Mmh. Les cochons de guerre. Non, mais... Moi, ça m'a marqué. Les doublages par Yves Lecoq... Ronaldo V Football. Ah ouais. C'est un sarcasme ou pour de vrai? Non, c'est pas un sarcasme, parce que l'intro, c'est Samba di Janeiro. Ah oui, c'est vrai. C'est totalement surréaliste. T'as Bruno Bonnel présente et t'as les danseuses. Mais... Bruno Bonnel est une danseuse? Non, mais c'est comme ça. Faut voir l'intro de ce jeu sur PS1. Après, ça reste un jeu de football basique avec Ronaldo en star et tout, mais ça m'a marqué. Pas pour des raisons de jeu, mais pour tout ce qu'il y avait autour. Mais c'est un jeu qui est programmé en France, ça, ou pas? C'est Infogrames qui l'édite. Je crois que le développeur, ça doit être PAM Développement. C'est le problème à la CIA. Et c'est français. Okay, PAM, c'est Power and Magic Development, entreprise française, 84. D'accord. Pierre Adané et Marc Jean. Parce que tu parlais des cochons de guerre, c'est un jeu britannique. Mais oui, ouais. Mais pour le coup, je pense que sa sortie est intervenue après les fusions Hasbro et plus tard Atari. Voilà, et PAM Développement, ils ont fait Waterworld sur Game Boy. Donc si quelqu'un sait ah ouais. ce que vaut le jeu, parce que moi... Le monde de Water, pas. Je ne sais pas d'y jouer. Et dans, le genre OVNI, du tout droit sorti de chez Atari, sur Amstrad, il y a le jeu Renault, Marche à l'ombre. Ah, c'est oui. très... Ça, oui. Oui. voilà. Si vous voulez Parfait. Essayer... Non, mais vous pouvez, hein, c'est... Merci, monsieur Chouze. Voilà. Ça se joue pas, mais quand vous allez entendre la chanson de Renault Marche à l'ombre en version 8 bits que votre Amstrad CPC tente de cracher, ça va vous donner le sourire, forcément. Ok. Mais j'avais envie de parler d'une autre société française qui avait été créée en même temps que. Enfin, en même temps, oui, un peu de choses près qu'Infogrames. Ouais, donc, tout début 1983. C'est R Informatique. Ah oui, je n'avais pas pris de note sur moi. Ah, fondé par un certain Emmanuel Vio et qui a vu surtout grandir des personnes comme Philippe Ulrich et Rémi Huberlot. Ah, ils étaient basés à Caen, je crois, non ? C'est pas ça ? Ah, bonne question. Il me semble. Hein. Enfin bref, ça me. C'est les gars qui ont fait Dune, justement. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, alors, les passagers du temps, peut-être, non ? La première fois que j'ai vu un jeu R, je me souviens, c'était sur mon Thomson TO8, c'était Macadam Bumper. Oh, qui, à l'époque, était considéré comme le meilleur flipper existant. J'avais oublié son existence. Et Captain Blood, c'est eux aussi, je crois, non ? Oui, l'Arche du Captain Blood. Ah ouais. Mais ça, c'est cool aussi. Ouais. Ah, c'était bien. Ça a marqué. Le passager du temps aussi, qui a marqué aussi son époque. Ah oui, le passager du temps. Oui. Qui là, par contre, voilà, on est beaucoup plus orienté vers une boîte PC, enfin PC, non, micro-ordinateur. C'est PC. Oui. D'ailleurs, c'est rigolo, ils n'ont pas commencé sur tout ce qui est MO5 et tout, ils ont commencé sur ZX81, Spectrum et Atmos. Je ne savais pas ça. Je ne sais pas, là. Oh. Dis donc, ouais. D'accord. Voilà, donc c'est tout, c'est toute cette génération donc de programmeurs avec qui on a grandi, je pense, voilà, avec la création. Donc, parce que Philippe Ulrich, un peu plus tard, créera Cryo Interactive, ouais. Et là, ils ont carrément fait un de mes jeux préférés de tous les temps, je disais tout à l'heure. Dune. Ah, rien que ça. Ah ouais, vraiment. J'ai fait la version Mega CD. Parce qu'elle offrait pas mal d'avantages par rapport aux versions PC que je disais tout à l'heure. C'est surtout une bande-son exceptionnelle, hein, sur CD et tout. Vraiment, le jeu est extraordinaire. J'ai vraiment adoré. Les prémices du STR, hein, c'était celui-là. Et oui, donc Cryo a été créé, je cherchais la date, en 92, le 28 janvier 92, par justement Philippe Ulrich et Rémi Huberlot. Ouais. Et donc, outre près le succès de Dune, donc qui est un des rares jeux méga CD à être doublé en français, oui. avec le premier Night Trap, ils ont quand même fait des choses qui sont un peu restées, comme Mega Race, qui est un jeu de course de voiture que tout le monde a oublié. Bon, désolé. Mega Race, c'était au PC ça aussi ou pas ? Oui, il était sorti sur MS-DOS aussi. Moi, je m'en souviens à l'époque, ça m'avait marqué. C'est avec des routes précalculées, il me semble. Oui, enfin, oui. Oui, ça y est, je vois ce que c'est. À l'époque, c'était. Bon, enfin. Oui, ça y est, je vois ce que c'est. Oui. Après Cryo, ça a été aussi pareil, le chaud et le froid. Un petit peu comme Infogrames, j'ai envie de. Bon, comme tous les éditeurs, il y a eu du bien et il y a eu du moins bien. Ben, on les connaissait surtout pour leurs jeux éducatifs. Il y a eu des jeux entre guillemets éducatifs comme Versailles. Voilà, exactement. Ouais. Et qui étaient avant tout des jeux d'aventure interactifs, comme on disait à l'époque, même si aujourd'hui l'interactivité peut faire sourire, avec notamment Lost Eden ou Dragon Lore, qui était d'abord sorti sur 3D. C'est où ça ? Ou Atlantis aussi, qui est bien connu. C'était quand même un petit carton ça à l'époque, Atlantis, hein, non ? Oui, ça vient marcher. Dragon Lore aussi. Hein. C'est connu. C'est les jeux qui existent. Lost Eden Atlantis, il doit sur CDI aussi, je pense. Il doit y avoir un CDI qui existe en bonne qualité. Je crois que je l'ai sur CDI Atlantis. Ouais. Par contre, Cryo, c'est aussi la boîte qui a édité Time Cop sur Super Nintendo. Ah oui. Non mais ça, on oublie ça. Magnifique Time Cop. J'entends pas. Il n'existe pas, c'est quoi? Non, il n'existe pas. C'est aussi à eux qu'on doit Super Danny, bien sûr. Ah oui, Super Danny. Donc, attendez, je vois où tu veux en venir. Avant de parler de Cage. Boa, censure et tu mets la photo de Johnny Cage. C'est la censure cuisine avec Johnny Cage. Juste avant de parler de Cage, je voudrais juste évoquer deux, trois petits jeux aussi qui sont restés dans nos souvenirs, comme Astérix et Obélix contre César sur PS1 ou le fameux Virus sur PS1. Oh, c'était où ça? Là, par contre, un vrai, vrai mauvais jeu. On est bien un jeu où ils ont oublié de le bêta-tester et de dire aux gens est-ce que la maniabilité passe, parce que... Non, mais je dis, tu as tort, ils ont juste oublié qu'ils faisaient un jeu, en fait. Moi, non, parce que le jeu est vraiment... C'est incompréhensible, mais bien. Je te remercie pas bien. Et donc, on a parlé rapidement donc de Super Danny et de Time Cop, qui sont parmi donc les premiers jeux sur lesquels le fameux David Cage a travaillé. Mais du coup, ça se prononce David Cage. Mais paradoxalement, il n'a pas travaillé pour faire le jeu, il a travaillé à sa musique. Oui. Voilà, il a composé les musiques, parce que David Cage, au départ, est un compositeur de musique de jeux vidéo. Ouais. Il fait des partitions de 500 pages. Ah. Mais en vrai, ça se prononce pas David Cage du coup? Je sais pas. Il est français quand même, le monsieur. David Cage, David. Bah, David Cage. Je sais pas. Déjà, est-ce que c'est son vrai nom ou est-ce que c'est un pseudo? Ah, si c'est un pseudonyme alors. Ah ouais, d'accord. Bon, bah en tout cas, on s'excuse si on écorche mal votre pseudo. On n'aime pas vos jeux, mais par contre, de là, écorcher votre pseudo. Pardon, monsieur David. Par contre, avec Céphale, est-ce qu'on a le droit de faire comme Uwe Boll, tu sais, qui frappe sur les critiques? Non, arrêtons là les bêtises. Je pose la question, c'est pour rire. Après, ce qu'on peut... donc, David Cage, une fois qu'il en a eu marre de faire de la musique de jeux de merde, il a fondé sa propre boîte, Quantic Dream. Quantic Dream, ouais. Et le premier jeu qu'ils ont conçu, donc, c'est The Nomad Soul, qu'on peut aujourd'hui jouer assez facilement. Je suppose qu'il doit être dispo sur Steam avec un peu de chance. Facilement sur PC, non. Non, c'est... parce que la manette, okay. C'est un calvaire. Et après, il faut jouer au clavier. Et au clavier, c'est pas... Voilà. Et sinon, si vous aimez vraiment la manette et le break de merde, vous jouez sur la version Dreamcast. Ouais, totalement, oui. Jouez-y. Parce que techniquement, le jeu, c'est pas ça sur Dreamcast. C'était quoi? C'est quoi le... C'est Omicron, The Nomad Soul, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ouais, il est dispo sur Steam. Quand même. Pour lequel ils ont pu se payer David Bowie. Ouais, il y avait David Bowie. David Bowie a composé des chansons pour le jeu. Il les interprète lui-même. Il était fauché. Et il a fait la mocap pour le concert. Il était fauché et à jeun? Non, mais après, j'ai jamais compris comment David Cage avait réussi à embaucher David Bowie. Bon, David Bowie voulait faire du jeu vidéo, il a toujours aimé ça. Mais comment il s'est retrouvé sur ce projet? Mais le jeu a eu bonne presse, hein. Il était plutôt apprécié. Hein. J'y ai pas joué, je peux pas. A pas eu de mauvais retour à l'époque, mais c'est pas... C'est passé relativement inaperçu, plus non? Inaperçu non, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de promos. Bah, le fait David Bowie soit dans le jeu... Ouais, mais après, tu sais, t'avais aussi Rise of the Robot, t'avais aussi quelqu'un d'autre de connu qui faisait des musiques, donc bon. Brian May, on l'a juste mis son nom sur Rise of the Robot, mais il a frotté ses fesses sur le clavier, tu vois, et sur sa guitare. Arrête, j'en pleure de rire. Là, David Bowie, il a vraiment fait un vrai travail artistique, les chansons sont très bonnes. Ouais, et le jeu est pas vilain. Et tu vois, c'est un des jeux préférés de Ashton, par exemple. Tu vois, il est pas vilain. Après, c'est un jeu David Cage, c'est-à-dire qu'il va mélanger beaucoup de choses. Et si t'es réfractaire à ce mélange des genres, des fois n'est pas très bien, ça passe pas. Après, moi, je peux pas juger le jeu, j'y ai très peu joué. Je fais juste une petite parenthèse, parce que c'est très important de le savoir, c'est effectivement un pseudonyme. Monsieur s'appelle David de Grutola. Donc, du coup, c'est peut-être David Cage. Voilà. C'est chou, c'est pas. Boss Dick, tu es venu me troller à faire des jeux de mots sur mon stream cet après-midi. Quelque part là. Ce qui est rigolo, c'est que quand tu dis De Grutola, ça te donne, je sais pas, ça a une saveur du sud et il est né à Mulhouse. Voilà. D'accord. Ah bah pas très loin de là où je suis. Est-ce que vous voulez pas qu'on garde David Cage et Quantic Dream pour plus tard? Voilà. Ouais, pour un autre jour. Je sais pas, on a commencé, tu voulais terminer avec ouais, ça. Ouais, non, bon, on peut. Non, parce que je pense qu'il y a encore plein d'éditeurs. Rapidement, parce qu'en fait, on va vite avoir fait le tour, oui, De Quantic Dream. Parce que je voulais dire, ensuite, ils ont sorti donc Fahrenheit. Oui, un jeu de Simon interactif. Qui soit dit en passant, soit. Ça vous savez qu'on va se faire démolir, par contre, je juste vous le. Non, mais c'est pas. Non, mais quand je dis ça, c'est pas une blague. Ceux qui ont joué à Fahrenheit comprendront. On va se faire démolir. C'est un jeu de Simon interactif, jouez-y. Je l'ai fait. Le jeu est sorti aux États-Unis sous le nom Indigo Prophecy. Oui. Bien sûr. Voilà. Ah, je savais pas qu'il avait changé de nom, tiens. Et okay. Donc, il est dispo sur PS2 et sur Xbox, et il y a un remake qui est sorti sur PC, PS4, donc c'est un jeu qui est facilement accessible aujourd'hui. Et ensuite, donc, notre David National a migré vers la PS3. Voilà. Mais c'est Fahrenheit qui a mis toute la base, c'est clair, de l'équipe hein, quand même. Hein. C'est No Man's Soul. Ah oui, mais Fahrenheit, ça a commencé ouais. Ce qu'a fait premier. Après ses jeux. C'est comme ça oui. qu'il avait oui. à faire du pseudo-film interactif. Oui. Où il y avait quand même un peu plus d'interactivité, il y avait plus de possibilités de louper quelque chose dans Fahrenheit. Ou oui, tu avais des séquences d'infiltration qui étaient infâmes. Et après, donc, ils ont décidé d'alléger considérablement le gameplay avec Heavy Rain pour se concentrer sur l'histoire, les embranchements de l'histoire. Donc, voilà. Et avec ils ont du tueur à l'origami, tout ça. Et Beyond Two Souls, où là, il y a le gameplay, il y en a quasiment. Avec Beyond Two Souls, il n'y a plus de gameplay. C'est ça. Beyond Two Souls, mais ouais. C'est ça, un jour, on fera un podcast. Voilà. Et après, des trois, voilà, bah, on ne sait pas trop. Bah, apparemment, il y a plus de gameplay. Enfin, ils ont revu leur copie, ça a l'air mieux. Ouais, je ne sais c'est pas, je n'ai pas testé, moi. C'est exactement ce que j'ai entendu, moi aussi. C'est que le jeu, là, des trois, a du gameplay et qu'il a plutôt bonne presse. Hein. Franchement, les premiers tests sont bons. Hein. Et Viren avait bonne presse. Beyond Two Souls avait. Beyond Two Souls avait bonne presse tellement. Beyond Two Souls était vraiment pourri, ça je peux le comprendre. Ouais, mais Beyond Two Souls était vraiment pourri, mais quand Viren, qu'il a eu. Voilà. Et les gens, comment ils en parlaient, c'était le meilleur jeu du monde. Alors que. Je sais pas, parce que par exemple, Viren, je sais pas, des gens comme Gamekult, ils l'ont un peu taillé dedans. Là, oui. Des trois, par exemple, Gamekult semble avoir apprécié. J'en sais rien, je joue pas d'avis. Bah j'ai pas d'avis, en fait, sur les jeux David Cage, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas en fait, donc j'ai pas d'avis. Sur ceux que j'ai joué. Des trois, j'ai pas joué, il sera peut-être bien. Mais bon. Le seul que j'avais fait, c'était Beyond Two Souls. J'ai dû faire entre 8 et 12, 14 heures de jeu. Je sais jamais exactement combien. Le jeu m'a gonflé, revendu en 3 jours. 3 jours après l'avoir acheté. Et c'est pas compliqué, il y a dans cette génération de consoles, il y a eu que 3 jeux qui ont eu ce traitement. Beyond Two Souls. Un jeu par Capcom avec des zombies là. Comment il s'appelle ce jeu de chiasse? Resident Evil? Non, pas Resident Evil. Non. Ah, le jeu, d'accord, oui, le jeu avec. Dead Rising. Dead Rising, voilà, je crois que c'était le 2, j'ai absolument détesté. Et il y a eu Ultimate. Non, il y a eu la version Vanilla de Marvel vs Capcom 3, voilà. Trois jeux de cette génération qui m'ont fait l'effet vomi. Voilà. Et malheureusement, il en faisait partie. J'ai jamais fait. On va en parler, Cap Silver, des aventures de Mokhtar. Patience. Oui, on va y arriver. On n'y est pas encore à Titus. Oh non, tu sais, on a beaucoup de choses à dire sur les éditeurs français. Parce que... Ah bah, si vous voulez, on peut passer justement à Titus. Ah bah allez, vas-y. Allez-y, après, moi, je vous parlerai d'un studio que j'ai. Chez PT Titus. Que les gens, ils ont oublié et sorti. Alors, Titus, empereur romain du... Non, pardon. Ah oui, vas-y, je t'en prie. Continue, on t'écoute. T'as vu on t'écoute, hein. On t'écoute, hein. Titus Interactive, non, mais c'est vous qui me dites, donc il a été créé en 1985, donc il est quand même, l'air de rien, une des premières boîtes. Ouais, des vieux de la vieille, de comme on dit. Ouais, ils ont pas fait que des navets comme Superman 64, hein. Ils ont fait des bons petits jeux comme Boost Brothers. D'ailleurs, Buzzdy coupait avant le podcast, il me disait, mais attends, c'est Prehistoric Man, Titus. J'aime beaucoup Prehistoric Man. Et moi, j'adore Prehistoric Man. Mais genre, j'adore. Ah, mais ouais. C'est un très très bon jeu. Beaucoup hein. Trop bien. Enfin, non, pas trop bien, mais c'est j'adore. Quand j'ai fait les recherches, j'étais passé à côté. Mais des choses un peu plus obscures. Bon, quand je dis plus obscures, bon, Blues Brothers, c'était quand même un carton à l'époque, faut pas déconner. Mais maintenant, des jeux comme Crazy Cars passent quand même relativement inaperçus. Alors, c'était pas foncièrement des mauvais jeux. Mais par contre, il y a des jeux un peu plus bizarres comme Titus the Fox. Sur Game Boy, je l'avais ce jeu. Je trouvais pas dégueulasse. Non, mais c'est juste que chez nous, il a eu le droit à un repackaging sur Atari ST, Amiga et Amstrad CPC sous le nom des Aventures de Mokhtar, malheureusement, ouais. Du personnage de Vincent Lagaffe. Ça, je comprends. Avec des musiques de genre remix techno bizarre de la Zoubida, des trucs comme ça. Je pense que c'est l'un des jeux auxquels j'ai eu le plus honte en fait d'aimer le jeu vidéo, sans rire. Ben, c'est surtout que moi à l'époque, je comprenais pas pourquoi on avait eu le droit à ça alors que Titus Fox était un bon jeu. Quand j'ai acheté un Atari ST en brocante et qu'il y avait une boîte avec genre 200 disquettes, no joke, la première disquette que j'ai mise dedans, c'était les Aventures de Mokhtar. Non mais quelle idée ils ont eu en fait. Et là sur le coup je me suis dit, mais ça va être ça. Attends, il y a 100 disquettes dans la boîte, ça va être ça les 99 autres. Oh non, heureusement... C'est 99 Mokhtar en fait. Voilà. Mais pour le coup c'est normal. C'était rangé par alphabétique, c'était A Aventures de Mokhtar. Bon, on peut comprendre. Et ouais, si vous ne croyez pas, essayez le jeu. C'est tension, c'est pas de la merde. C'est juste que vous allez regarder le chara-design. Vous allez dire, ok, attends, on va regarder Titus the Fox. Vous allez dire, oula, en fait, c'est pas que changer le sprite du perso. Il y a des vraies petites touches dedans du racisme un peu TF1, entre guillemets, années-là, quoi. Mais totalement. Carrément. Quand tu vois l'un des ennemis dans le jeu, c'est un afro-américain avec un os dans le pif. Non, je suis désolé, non. À l'époque, j'aimerais vraiment avoir des explications de pourquoi. Mokhtar, pourquoi je cherche pas, mais là pour le coup, c'est pas tout. C'est ce monsieur Vincent Lagaffe qui se revendique de il a pris son pseudo parce qu'apparemment c'est un fan de Gaston. Si tu veux, on peut se faire un petit match de boxe, hein, 5 fois 3 minutes, on peut régler ça entre 4 yeux. Il va te mettre un coup de jet ski et tu t'en sortiras. Ouais, non, ou alors je peux lui faire ma célèbre imitation du commissaire Van Locke et il tombe par terre. Donc voilà, pour le coup, pour Titus, bon, il y a eu des bonnes choses, mais il y a eu une autre chose Mokhtar, hein. Pour laquelle Titus était connu aussi, c'est la série des Virtual Chess. Oui. Chess, et surtout le 1 et le 2, et Virtual Chess 64. Et après, il y a eu Virtual Kasparov. Ah oui, exact. Voilà, de bons jeux d'échecs, même si forcément en tant que. Pur gamer comme nous, si on joue pas aux échecs, ça nous parle peut-être un peu moins. Ouais. Bah après, c'est bien parce que tu as les animations des pièces et c'est rigolo. Après, n'oubliez pas, Titus, Lamborghini 64. Oh. Je vous laisse regarder. Ouais, c'est automobile Lamborghini. C'est ça, je l'ai ce jeu. Voilà. Bah bon courage, moi, quand tu vas le faire. Bah Titus, c'est Superman 64 aussi. Oui, non, mais ça, non. Ça n'existe pas. Et c'est d'autres jeux aussi. Hein. Vous inquiétez pas. J'ai bientôt fini d'éplucher la liste, là. J'ai trouvé des trucs. Je me suis dit, oh purée. Tu vas crever. Titus, ils ont aussi édité aussi quelques jeux, je crois. C'est eux qui sont responsables de l'édition de Barbarian 2. Mais je sais plus quelle version. Je crois que c'est la version Amstrad ou un truc comme ça. C'est bien, Barbarian. Super des têtes. Je l'ai sur GX4000, j'aime bien. Perso, j'aime bien. Mais leur problème, c'est qu'ils ont fait faillite, ils se sont fait racheter par Virgin Interactive. Mm-hmm. Fait racheter par Virgin. Ouais. C'est dommage, parce que pour le coup, quand tu regardes ce qu'ils ont fait... Bon, certes, il y a des choses honteuses, mais bon, quelque part, des navets... Qui bah, moi, je me rappelle sur leur logo, fond rouge avec la tête de renard, c'est quelque chose qui m'a marqué. Le logo était cool, en fait. Le logo était super. Moi, j'aimais bien, quoi. Mm-hmm. Je me souviens rapidement d'un petit jeu sur Master System qui s'appelle Fire and Forget 2. Ah oui, c'est eux ça. D'un jeu d'arcade et de portage de. Mais il était sorti sur Amstrad aussi, celui-là. T'as raison, Pelle. Une espèce de Chess HQ futuriste. Oui. C'est pas nul. Voilà, ça se laisse. Ouais, j'avais oublié ce jeu. Carrément. Fire and Forget, mais oui. Ah oui, je me souviens bien. Vous avez oublié Forget. Non, bah oui, du coup. je viens d'avoir une immense fatigue. Là. Au revoir. Et donc, oui, Cap Silver nous parle au milieu des jeux sur le chat rapidement. Un petit jeu isolé sur la Super Nintendo à l'époque et la Mega Drive. Mr. Nuts, programmé par Philippe Dessoli et Pierre Adan. C'est Océan, ça. C'est sous la baie Océan. Voilà, ça vient de Océan France. Ouais. C'est un jeu qui, donc, comme à l'époque, a été fait par une équipe relativement resserrée, puisqu'ils étaient deux. Deux. Ouais. Voilà, c'est resserré. C'est resserré. Et ils ont fait un travail graphique, enfin Dessoli. Moi j'aime bien le jeu. Graphiquement, le jeu est superbe. Le jeu est superbe. Mais il est super dur aussi. Oui. Alors, la version Mega Drive rajoute des passwords. Et c'est la meilleure idée du monde. Très salutaire. Voilà. Ah oui, le jeu n'est tellement pas battu. Ouais, et ce qui est. Évidemment, la version Super NES était avantagée par sa palette de couleurs, mais la version Mega Drive était quand même très jolie. J'étais surpris, moi, quand j'avais vu portage... beaucoup plus tard. Ouais, le portage Mega Drive est vraiment bien fait. Il est pas mal. Hein. Et d'ailleurs, et même les musiques. Hein. Un Mr. Nuts 2 était en développement sur Mega Drive. Yep. Il n'est jamais sorti. Il a fait aussi la conversion Amiga de Toki, il me semble, Philippe Dessoli. Ah oui, d'accord. Je me trompe peut-être, mais il me semble. Actuellement, il dessine toutes les jaquettes des nouveaux jeux Dreamcast. Et il fait aussi des dessins des produits dérivés Goldorak ou des choses comme ça, non ? Oui, oui. Mais en plus, c'est un super bon dessinateur. Ah oui, mais je l'ai rencontré. C'est un tueur. Ah oui, c'est un tueur, carrément. C'est carrément. Magnifique. Hein. Je vous conseille de suivre sa page Facebook. Ouais. Il poste régulièrement des dessins. Et il n'est pas censé travailler sur un remake de Toki sur Switch ou un truc comme ça qu'on va parler à pas longtemps, non ? Si. Ben, pour l'instant, si, mais il n'y a pas de. Si, hein, il me semble. Pour le moment, il n'y a rien. Mais pour le coup, voilà, c'est histoire de citer un peu son actu, quoi. Voilà. Oui, il continue à travailler, il fait plus très très bon. Voilà, ouais. Et c'est apparemment la continuité de ce qui était prévu sur Xbox 360 et déjà à l'époque, ça me faisait saliver, tout ça. Donc. Mais pour revenir à Mr. Nuts, c'est un jeu qui avait vraiment marqué à l'époque. Hein. Ouais. Moi, je me souviens, oui, à l'époque, c'est un jeu qui était connu, vraiment populaire. Oui. Les magazines français l'avaient pas mal mis en avant, notamment parce qu'il est sorti à peu près la même période que Bubsy. C'est ça, oui. En même temps qu'on comparait les deux, excuse-moi, mais c'est un peu comme comparer la glace au chocolat à la crotte de babouin, quoi. Mais tu vois, Bubsy, à l'époque, il y avait très très bonne presse aussi. Hein. Ouais, mais Bubsy, ça... Tu vois, sauf qu'il y en a un qui a subi les outrages du temps et pas l'autre. Ouais, voilà. Mais tout était super beau, quoi. Graphiquement, bon, c'est nous, il y avait une palette de couleurs vraiment dingue, avec un côté Disney un petit peu dans tout ce qui est, tu sais, le bestiaire, comme les. Ouais. Puis, ça faisait très Disney. Il y avait des trucs un peu glauques en même temps, tu sais. Oui. Avec une ambiance assez oppressante. Je me souviens surtout de Ogrim Papa, je crois, le boss géant là. Lui, c'était le summum, je crois. Qui te lance ses yeux là et tout. Enfin. Et pour le coup, ce boss a vraiment une influence des boss de Toki en fait quand tu regardes. Je saurais pas dire. Il me fait penser au boss avec les grandes mains dans Toki. Je sais pas pourquoi, mais. Enfin bref. Et aussi les musiques de Raphaël. Ouais. Celui qui a fait les musiques de Flashback. Bon, de chaque fou, mais ça. Le musique de chaque fou n'était pas si horrible de mémoire. Hein. Oui, mais par rapport à celui de Flashback. Le jeu, je ne l'ai pas eu, j'ai beaucoup joué chez un pote, mais... Donc les musiques étaient super cool. Et ça m'arrive encore de les fredonner, les musiques de Mr. Nuts, elles étaient vraiment chouettes. Hein. Vraiment du niveau, celle du premier niveau, je l'ai souvent en tête, moi. C'est un vrai, vrai bon jeu. Hein. Et même encore maintenant. Aujourd'hui, il est passé donc à l'écriture de musique pour le cinéma. Ok. Oui, d'accord. Puisque, entre autres, en plus de certains jeux qui continuent, notamment, il a fait la musique apparemment de toute la série des... Kokoto Kart Racer, Kokoto, tout ça. Kokoto, les jeux Game Boy Advance que tu peux trouver sous blister. Il a également signé la musique, son premier long métrage de À l'intérieur, qui est un film d'horreur français que j'ai particulièrement détesté, mais pas pour son ambiance, pour son écriture. Et donc, il fait. Il fait toutes les musiques de Bustillo et Mori, en fait. D'accord. Des réalisateurs, il a fait Livid, il a fait L'Abyss of Death, le segment de Mori, Aux yeux des vivants. En fait, il fait toute leur musique. Ouais. Donc, un monsieur qui fait pas mal de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est sûr que oui, les musiques de Mr. Nuts. Fait tout Black aussi, c'est lui. Ouais, une petite anecdote, c'est très drôle, c'est que allez, ça y est, ça partait tant. Que mes parents, ils aimaient jouer. Allez, monsieur Pell, ton anecdote. Allez, vas-y. De quoi ? Vas-y, on t'attend. On t'attend. Oh non, c'était vraiment nul, c'était juste... Mais on s'en fout, t'as commencé, tu finis. Pense non, aux gens qui nous écoutent et qui nous écouteront à la mais, VOD. Mais laisse-le parler, bordel. Je disais que mes parents aimaient jouer à Super Nut, à Mister Nut, tout quoi. Ouais. Ah bah voilà, bah, c'est bah, ouais, très bonne anecdote. Ouais. Non mais c'est vrai, bien. Il n'aimait pas les, spécialement les jeux vidéo, mais ça, Mister Nut, il kiffait, quoi. Ouais. C'est tout. Au revoir. Bonne nuit. J'adore ce jeu. Et un jeu que j'ai toujours avec moi. Dans sa poche. Bon. Tiens, puisque tu es avec nous, Pell, oui. On va parler de ton pote. Ah oui. Chaque fois. Voilà, donc nous allons parler de Delphine et d'Adeline. D'accord, mais il faudrait peut-être parler d'Eric Chahi avant, non ? Pourquoi ? Avant ? Pour Another World, c'est après ? Non, c'est avant. Et c'est indépendant, ça n'a rien à voir. Ah oui, bon bah ok, comme tu veux. C'est toi qui gères. Ah oui, on peut faire chronologiquement. On va commencer par parler d'Eric Chahi, puisque bon, c'est antérieur effectivement. Oui. Programmeur talentueux sorti un peu voilà qui a fini par s'imposer avec le jeu Les Voyageurs du Temps en tant que graphiste. Oui. Ou avec lequel donc il collaborera avec Paul Cuisset. Et en fait, le jeu qui va rendre célèbre Eric Chahi, c'est évidemment Another World. Un jeu encore à une équipe très restreinte, là encore pire, hein, je crois. Voilà, une équipe relativement restreinte, soit lui de tout un. Seul, plus un ami de compositeur. Voilà. C'est ça, c'est... Ah, le travail titanesque, c'est fou hein, quand même, je pense. Qui a marqué déjà dans un premier temps par son introduction, oui, en image de synthèse qui est juste folle, même encore aujourd'hui, je veux dire, avec mise en scène et cadrage, c'est parfait. Qui a tellement été marquante qu'elle sert de présentation des premiers jeux Super Nintendo dans la VHS. Ouais. Bah de toute façon, oui, c'est un truc de ouf. Hein, je veux dire. Oui. Mais alors justement, je veux dire, ok, il était tout seul, mais il avait quand même tout. Tous les moyens techniques à disposition, il me semble quand même, pour utiliser la rotoscopie, hein, je crois que c'était ça. Voilà. Hein. Pour faire l'animation, il a utilisé la technique dite rotoscopie, qui a été popularisée par Jordan Mechner, je sais jamais le dire, pour son jeu Prince of Persia. Oui. Et Karateka. Mais d'après ce qu'il dit, Chahi ne connaissait pas le travail de Jordan Mechner lorsqu'il était en train de réaliser Another World. Bon. D'accord. On peut dire que c'est un jeu quand même relativement usiné à la main. Après, Another World, c'est un jeu donc, sorti en 1991, qui est quand même un peu aussi bloqué dans son époque, parce que c'est basiquement un die and retry, oui, qui peut se terminer extrêmement vite si on connaît le jeu. Le jeu n'est pas extrêmement... Ah, mais il peut se terminer extrêmement vite aussi si tu le connais pas. Oui, voilà. C'est parce que tu meurs tout de suite. Oh, c'est vrai qu'il est exigeant, hein, quand même. Voilà. Il a connu plein de versions. Bon, je sais pas à quel il vaut mieux jouer. Honnêtement, je crois pas qu'il y ait une... Bah, ils ont pas fait un remake. Il y a pas un remake qui est sorti. Il y a un remake qui est sorti. Après, il est sorti sur Super Nintendo, Super NES et Amiga, principalement à l'époque. Mmh. En Mega CD, en version compilée. Ouais. Et juste, et donc pour parler rapidement, il est sorti son Mega CD aux États-Unis uniquement sous le titre Art of the Alien, avec donc le jeu Another World qui s'appelle Out of This World aux États-Unis. Bien entendu. Avec sa suite, alors attention, Eric Chahi n'a jamais travaillé sur la suite. Mais il n'a jamais travaillé dessus. Et au contraire, il renie totalement ce qui a été fait. Et effectivement, Art of the Alien, c'est pas bien, en vrai. Voilà. Après, c'est un jeu aujourd'hui qui va être difficile d'acquérir pour moins d'une bonne grosse centaine d'euros. malgré le fait qu'il soit mauvais. Ça, c'est le truc qui échappe toujours un petit peu des fois aux collectionneurs. Oh, non, mais ça, oui, c'est pas parce qu'un jeu est cher qu'il est bon. Hein. Bah oui, oui, c'est la rareté là-dedans, mais c'est tout. Hein. Et c'est là où tu dis, heureusement qu'ils ont vendu beaucoup d'IT à l'époque et beaucoup de Super Mario 64. Je suis sûr que Super Mario 64 écoute son prix justement parce que c'est l'un des plus mauvais jeux qui existe. Ouais. Malheureusement. Ouais. Et juste donc après ce qui va se passer avec AHI par la suite va être absolument terrible puisque il va être à l'origine de bien avant Duke Nukem Forever, d'une des plus grandes arlésiennes de l'histoire du jeu vidéo, à savoir Art of Darkness. Et oui. Qui est un jeu qui nécessitera 6 ans de développement. Et 6 ans à l'époque, c'est énorme. Voilà, à l'époque, c'est juste... Le truc, c'est que les choses évoluent tellement vite à l'époque, il faut se dire que lorsque le jeu est pensé au départ, il est en avance sur son temps. Lorsqu'il sort en 98, on est passé à la 3D. Mais oui. Et il sort en 2D. Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est vraisemblablement ce qui fera que Ichaï connaîtra quand même une belle traversée du désert par la suite. Bah alors, oui, c'est ce qui fait que le jeu, il a été... Alors que pourtant... Il n'est pas dégueulasse. Le jeu, il est bon, mais malheureusement, ouais. Oui, il a fini distribué dans les paquets de cornflakes, quoi. Enfin, on en avait déjà parlé. Hein, mais, et pourtant, le jeu est vraiment excellent. Ouais, ouais, le jeu est très bon, mais il arrive à une période où Sony, on rappelle, met en avant absolument les jeux 3D de sa machine, au point de refuser de sortir certains jeux en 2D en Occident. Où le jeu est très reconnu pour ses qualités techniques, en particulier, même si ça peut faire sourire aujourd'hui, la qualité de ses cinématiques, dont la cinématique de fin qui est en 3D anaglyphe, qu'on peut regarder avec la paire de lunettes fournies dans le jeu. Mais le problème, c'est que quand il arrive, c'est un petit peu comme la fameuse note du Alundra à l'époque, où les critiques de Mega Man X4 en disant que le jeu est pas terrible parce qu'il est en 2D. Quoi. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est dur de se remettre ça dans le contexte quand même. Mais bon, voilà, on ne jugeait pas. Vu que maintenant, on est dans une époque où tout est permis, en fait. C'est vrai qu'on est vachement plus libre. C'est facile de juger un jeu 2D ou 3D maintenant. Mm-hmm. C'est vrai qu'à l'époque, il faut se rappeler ça. C'était la dictature de la 2D, de la 3D, je veux dire. Mais ouais. Alors que pourtant, c'était pas forcément un gage de qualité. On a parlé de Virus tout à l'heure. Bah, comme disait. Après, on sait très bien que la 3D à l'époque PS1, c'est la 3D qui a plus mal vieilli. Bah, bien sûr. Maintenant, on peut difficilement y jouer. C'est celle qui a le plus mal vieilli. Mais moi, j'adore y rejouer quand même, tu vois. Il y a des jeux. Ah oui, non, mais. Ça dépend des jeux, en fait. Oui, oui. Ça pourrait être l'occasion de faire un sujet là-dessus, les enfants, non ? Oh oui ! La 3D, c'était pas mieux avant. voilà. Magnifique. Pour finir rapidement avec Eric Chahi, donc son dernier jeu sorti en date s'appelle From Dust, qui était sorti à l'époque sur Steam et sur l'Xbox Live Arcade. Ah oui, l'espèce de Populous-like. Hein, voilà, l'espèce de God Game qui est passé, bon, pas trop. Oula. Il n'a pas eu énormément de succès, alors que c'était pas un mauvais jeu. Hein. Non. C'est juste qu'il est arrivé à un moment où ça bourrait les jeux sur 360, en particulier les jeux indés. Ouais, et sur Steam. C'était une espèce de Doshi Giant et tout ça, quoi, où tu dirigeais des tribus. Mon frangin l'avait pris parce qu'il adorait Populous, justement. Et le jeu n'était pas désagréable, hein, vraiment bien fait. Et tu pouvais modeler le terrain exactement comme un Populous. Mais le défaut, c'est qu'il était beaucoup trop court. Beaucoup, beaucoup trop court. Je me rappelle de ça. Voilà. Enfin, c'est un bon titre quand même. Et depuis, il fait quoi, Monsieur Chahi ? Et depuis, je sais pas. Pour les vacances. Ah oui, peut-être. Ce qui nous emmène effectivement donc à la carrière du compère d'Eric Chahi à l'époque de ses débuts, à savoir Monsieur Paul Cuisset. Eh oui. Qui fait partie donc des acteurs principaux d'une boîte française créée en 1988 qui s'appelle Delphine Software International par un certain Paul de Senneville, qui créera un petit peu plus tard en 92 une seconde boîte qui s'appelle Adeline Software International. Et pour la petite anecdote, évidemment que dont tout le monde se fout, mais qui est très importante à dire. Delphine et Adeline sont les prénoms de ces deux filles. Voilà. Et voilà. C'était très important. Et donc, main dans la mer avec notre ami Paul Cuissé, il va donner vie à des jeux qui, pour certains, resteront dans l'histoire pour de bonnes choses, et d'autres resteront dans l'histoire pour moins des bonnes choses. À savoir, évidemment, Flashback. Oh oui, Flashback. Qui sortira sur à peu près tous les supports possibles et imaginables à l'époque. Ouais, y compris sur Switch, un peu de temps. Au niveau juste, pour situer, Flashback a été programmé sur Mega Drive. Il est sorti d'abord sur Amiga, la version Mega Drive est sortie après, mais la version de base du jeu, c'est bien la version Mega Drive. Oui. Ça a été dit et redit, mais je le redis encore une fois. Et si vous demandez aujourd'hui aux personnes qui sont occupées du jeu à l'époque quelle est la version la plus aboutie, pour eux, la dernière version sortie en date et la plus complète, c'est la version Mega CD. D'accord. Parce qu'elle reprend la base de la programmation de la version Mega Drive, qu'elle ajoute les scènes cinématiques en plus et qu'il y a pas mal de petites choses dessus. Donc, même par rapport aux versions CDI ou 3DO, apparemment, c'est la version Mega CD pour eux qui reste la plus... Bah oui, ça, c'est intéressant. Ce qui tombe vachement bien, puisqu'il n'est jamais sorti en Europe et qu'il va juste être impossible à trouver. Ah oui, d'accord. Mais moi, j'étais prêt à chercher, savoir. mais où est-ce qu'on a ça? Je suis désolé, il n'est sorti qu'aux États-Unis. Eh oui. Ah, non, voilà. Souvenez-vous, j'ai toujours dit depuis le début du podcast du collectionneur, collectionner le Mega CD, c'est la pire des choses qui pourraient vous arriver. J'adore les jeux Mega CD. Enfin bon. Et donc, quelques temps après, va sortir un certain Chaque Fou. Le jeu de Monsieur Chou. Monsieur Chou va nous parler de Chaque Fou. Ouais, non, mais il y a l'orage qui est en train de passer au-dessus de chez moi, et j'ai pas tellement envie d'attirer la foudre. Donc. Tout ce que je peux dire, c'est que j'y jouais chez un pote, j'ai jamais eu le jeu. D'ailleurs, je l'ai même pas dans ma collecte. Non, ne me l'envoyez pas. Déconnez pas. Mais ouais, enfin... Graphiquement, il est pas ultra moche. Les musiques, on en a connu pire. C'est juste la maniabilité, les animations qui durent 4 plombes. Voilà, le jeu injouable. Et Bosdy qui va nous parler de Chaque Fou. Ah bah oui. C'est fou parce que, comme quoi, une mauvaise jouabilité peut juste gâcher un jeu. C'est ça le truc, Bosdy. Ben, disons que quand tu peux pas cancel ton saut et que le type fait des sauts de 355 mètres, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Que quand tu veux frapper un adversaire, ben, les box sont tellement pétés que tu peux pas taper comme tu en as envie. Ouais. Que le chara-design des persos, il est... Ben, ça va encore. Ça va encore. Ouais. Mais tu vois, c'est ce qu'il disait au début, c'est que le jeu, il est joli en plus. Quoi, je trouve. Ouais, moi, je le trouve pas moche, je le prends pour son garder, bien sûr. Vous savez pourquoi j'y ai joué? C'est parce qu'il y avait Shaq. Bah oui, c'est tout. Mais j'aime le basket, j'aime le Shaq. Tu as déjà joué au jeu de plateforme Michael Jordan? Bien sûr, je l'ai kiffé, je l'ai filmé. Ah, moi aussi. City, c'est ça? Oui, j'adore. Mais ça, c'est un bon jeu, ça. Moi aussi, j'aime bien. Pourtant, tout le monde s'accorde à dire que c'est pas terrible, mais j'aime bien le jeu. Ah non, moi je j'ai entendu le jeu. Ah oui, mais il était. Moi je trouve que c'est un bon jeu. Moi, j'aime bien. Oui. J'ai entendu que des retours positifs, moi, sur Michael Jordan. Okay. Après, il est dur. Après, il faut être honnête. Hein. Pas du tout. C'est un jeu. C'est chaud. C'est classique dans son déroulement, le Michael Jordan, mais il est bien, oui. Il est bien fait. Tu peux dunker sur des panneaux, donc. Oui, il est bien. Tu peux dunker sur des araignées mécaniques géantes. Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est encore mieux. Voilà. Mais Chaque Fou, malheureusement, ça faisait partie des jeux qui étaient genre bradés à 50 francs à l'époque des francs chez Auchan dans les prospectus. Donc, ouais, c'est... Comment dire? On a connu pire, hein, malheureusement, c'est ça. Mais alors, tu vois, c'est ça qui est bizarre. C'est qu'on a connu pire. Mais quand je vois des top 10 des pires jeux Super NES, même à l'étranger... Eh ben, ce jeu-là est quand même dedans, quoi, tu vois. C'est vraiment... Oui, peut-être aussi parce que celui qui fait le top 10, il a pris l'arnaque du jeu à l'époque, et du coup... Ouais, mais il est... Tu sais, car moi, tu me demandes le top 10 des pires jeux de l'époque PS3, PS4, je te mets 10 fois Mighty No. 9, hein. Faut pas croire. Hein. Ouais, non, mais allez, c'est ça, mais... Je te mets quand même un Dino Dini kick-off, voilà, histoire de meubler. Le truc, c'est qu'il est dans beaucoup de top 10 parce que beaucoup de monde y a joué, et du coup, beaucoup le connaissent. Oui, c'est ça aussi. Voilà, c'est ça, ouais. En fait, tout simplement. Oui, oui, oui. Alors, pour vous dire à quel point ils croyaient en chaque fou, une suite était prévue. Oh, sérieux ? Ouais, voilà. Oui, mais... Bon. Ouais. Ah, je savais pas. C'était un qui était abandonné. Oui, mais non, en fait. Abandonné. Et quelques temps après, ils se sont aussi dit que bon, Flashback, compte tenu du succès, méritait une suite. Et ils nous ont donné Fade to Black. Ah oui, mais là, c'est ils auraient dû se casser une jambe. Quoi. Alors, Fade to Black, le problème de ce jeu, bah, c'est un petit peu comme Alone in the Dark. C'est-à-dire que au moment où il est sorti, on était dans un environnement en full 3D. Mmh. Ça a l'air de rien comme ça, mais on est avant Tomb Raider. Donc, tout restait à inventer au niveau de la jouabilité. Mmh. Autant dire que c'est là qu'ils se sont plantés. Oui. Oui, parce que si le jeu avait une meilleure maniabilité, il y avait moyen de bien s'amuser, puisqu'il y avait un univers, il y avait un scénario, la musique n'était pas du tout dégueulasse, qui n'était pas assez bonne. Ouais. La version PS1 est supérieure à la version qui était sortie à l'époque sous DOS, parce qu'elle était texturée, contrairement à la version PC qui n'avait pas de texture. Le jeu avait tout pour lui. Moi, à l'époque, je l'ai terminé. J'avoue que j'en suis aujourd'hui, j'ai plus la patience. Ce jeu, au secours. Voilà. Bah, c'est ce qu'on disait avec les jeux 3D de l'époque. Oui. Que ça avait ma vie. Voilà, c'est compliqué maintenant. Oui, mais ça dépend des jeux, parce que c'est vrai que quand je disais t'es pas d'accord, c'est parce que c'était la 3D, c'est celle qui combine, c'est un peu comme Grandia et tout ça. Là, je trouve que c'est bien. C'est ou Breath of Fire, c'est cool, quoi. Oui, mais parce qu'il y avait un mélange. C'est ça. Des 3D, 3D pur, full 3D, il y a beaucoup de jeux. Oui. Alors là, la full 3D, je suis complètement d'accord, c'est immonde. Oui. Mais bon, fait tout black, ouais, c'est dommage. Cela dit, pour moi, ça restera mon premier jeu en full 3D, réellement. Le premier jeu auquel j'ai joué entièrement en 3D, dans un environnement 3D, bien avant Tomb Raider. Et c'était... Ben, voilà, quand j'y ai joué, il n'y avait rien d'autre qui existait. Donc on s'est dit, bon, ben, c'est ça, il faut s'habituer à jouer comme ça. Donc je l'ai fait comme ça. Bon, aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Oui, après... Oui. 2 ans plus tard, ils créeront la série Moto Racer, qui aura nettement plus de succès. Oui, parce que qui était bien. Voilà. Ah oui, mais je savais pas que c'était eux. Ah oui, mais ça avait marché, c'est vrai. Oui. Moto Racer. Voilà. Moi, j'ai jamais trop joué, parce que je suis pas trop fan de jeux de moto. Moi non plus, mais j'ai essayé, je m'étais amusé. Et finalement, on se dit que d'un côté, il y avait V-Rally, de l'autre, Moto Racer, les Français étaient pas si mauvais que ça pour les supports. Mobile, sport mécanique, oui. Mécanique, ça. Merci. J'étais loin, celui-là. C'était pas mal. Et ils seront aussi à l'origine d'un des très rares hack and slash de la PS1 dérivé du PC, qui est Darkstone. Oh là là, j'adore ce jeu. Je savais pas que c'était eux, mais j'adore ce jeu Darkstone. Mais vraiment. Voilà. Ah oui, complètement. Et figure-toi que j'y rejoue de temps en temps parce que je trouve que lui, il est vraiment agréable. Encore. J'y ai jamais joué. Je connais la jaquette, mais j'y ai jamais joué. Il est complètement 3D, mais comme il est vu de dessus, tu sais, t'avais un décor fixe en fait, donc c'était vraiment cool quoi. Ah mais d'accord, c'est un Diablo-like. C'est un Diablo-like, oui. Ouais. Mais vraiment très riche, et il avait surtout une bande son excellente, c'est qu'elle était vraiment composée avec des voix de chanteuses et tout. Ça faisait très médiéval. Ah, j'adorais ce jeu-là. Et question, vu que tu y as joué, Pelle, est-ce que c'était maniable sur PS1 ? C'est ça. Ah bah, moi, je trouvais ça agréable. Alors, le truc qui me gênait le plus, par contre, c'était les temps de chargement. Quand tu passais en mode exploration du terrain pour retourner dans le village, alors, c'était insupportable. Quoi. C'était vraiment insupportable. Mais par contre, oui, très maniable. Hein. Ah, complètement. Moi, je te dis, il y a quelques temps, je l'avais relancé, j'avais envie d'y rejouer. Mais vraiment, ça ne me gênait pas là-dessus. Ouais, mais en fait, ils ont fait du bon boulot, étant donné que c'était que sur PC, à hack and slash sur console. Ah, ça, sur PS1, ouais, excellent, mais vraiment bien. Mmh. Ok, ouais, je connaissais pas. Et donc, il est ressorti récemment en plus, hein, je crois, il y a eu un remake du jeu, je sais plus si c'était sur mobile ou quoi que ce soit. Attends, j'ai regardé. Darkstone. Et donc, pendant ce temps, la petite sœur de Delphine Software International a été créée, Adeline Software, où donc notre ami Frédéric Reynal, vous vous souvenez, on en a parlé il n'y a pas longtemps, a sorti un des jeux qui va marquer plus l'univers PC que l'univers console, malgré son adaptation PS1, qui est Little Big Adventure. Ah oui, LBA. Ouais. connaîtra le jeu. Mais qu'est-ce que la maniabilité a pu me faire chier à l'époque. Mais je l'ai terminé le jeu. Avec notamment le même compositeur que pour Alone in the Dark, à savoir Philippe Vacher, qui s'occupe de la musique, qui pour moi Elles sont merveilleuses, les musiques, c'est... À l'époque, lorsque Player One avait sorti un hors-série où il mettait en avant les musiques de jeux que j'ai encore par là qui traînent, moi aussi, la compil de Player One, la fameuse sur laquelle j'ai la fameuse chanson. Ah, j'ai des frissons, rien que d'y penser. Et un jour, Matt Murdock, tu nous diras si Tom B est devenu un homme sage. Ça suffit, tu lui poses la question, il ne va jamais te répondre. Laisse tomber. Et donc, voilà, moi, ça avait cette musique, la musique symphonique, le thème, je le connais encore. Là, j'en parle, je l'ai encore dans la tête. Enfin, c'est, mais moi aussi. Et donc, juste pour Hearthstone, non, il n'est pas sorti sur portable, mais il est ressorti en 2014 sur PC, sur Steam, en fait. Voilà, quoi, pour ça. Avec une petite refonte en prime. Donc, voilà. Et donc, Admin Software s'occupera de la version console de Little Big Adventure sur PS1, avec une jouabilité qui, bon, ils l'ont adapté comme ils pouvaient, avec notamment entre guillemets, les stances. Ah, voilà, trouver le mot français maintenant. De notre les héros. Postures. Les quatre postures de notre héros sur les boutons L et R. Ce qui faisait. Bon. Ah, c'était un peu. C'était compliqué. Voilà. Et la suite sortira en 1997 et restera totalement exclusive au PC. Ouais. Il n'y a aucun autre moyen d'y jouer que sur PC. Voilà. Mais après, ça reste des jeux tellement poétiques. C'est agréable d'y jouer. Je sais pas comment expliquer ça. C'est... Il y a un univers, il y a une ambiance. L'univers vraiment... est cohérent, vraiment. Mmh. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment créé un univers avec ses propres règles. Et on se laisse porter par l'ambiance, on se laisse porter par l'histoire. Totalement. Et voilà, le jeu est vraiment bon. Et juste un dernier jeu développé par donc chez Admin Software International, qui est toujours conçu par Frédéric Renal, qui est Time Commando, qui était sorti à l'époque sur PS1, Saturn et PC. Ça me dit quelque chose, mais je ne me rappelle pas. Time Commando. Ça me dit rien. C'était une espèce de STR, ça, non ? Un personnage qui voyage dans l'espace. Ah, un beat'em all, c'était à l'époque. Avec un personnage... Et c'était vachement bien. Ouais. Ah, si. C'était vachement cool. Hop. Voilà, ça fait partie des jeux à l'époque. Moi, j'étais passé à côté. Je sais aujourd'hui qu'il a une bonne réputation. Parce que c'est rigolo. Je me souviens de l'espèce de combinaison jaune du personnage. Voilà. C'était beat'em all. Hein. Oui. C'est pas un mauvais jeu. Non. Non, c'est encore rigolo d'y jouer. Et puis les musiques, c'est aussi du film vaché. Donc. Donc, sur le coup, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeux chez Admin Software International, mais il y a eu beaucoup de qualité en si peu de jeux. Des jeux qui marquent, ouais. La qualité par rapport à la quantité. Oui. C'est pas plus mal, hein. Non, c'est même très bien. Et donc, suite à la fin de la société, Frédéric Renal voguera vers de nouveaux horizons et sera à l'origine, participera au jeu, au Jux, au pluriel, Toy Commander et Toy Racer. Ah oui, c'est en Dreamcast, oui. C'était cool aussi. Ouais. Toy Commander, bah oui. Je crois que l'un des deux, c'était l'un des jeux du lancement de la console, non ? Quelque chose comme ça ? Oui, Toy Commander est sorti très tôt en 99. Oui, en même temps, c'est pas comme si elle avait duré longtemps, mais oui. Ouais. Oui. Voilà. Bah, le titre était plaisant en tout cas. Ouais. Toy Commander. Par contre, on n'a pas cité plein de développeurs et d'éditeurs français. Oui, non, mais j'en ai un sous le coude. Hein. Vas-y, tu veux nous parler de... Vas-y. Là encore. Je vous laisse... On dirait un nom de parfum comme ça, mais non. Si tu me dis que ceux qu'ont fait les gens de Forezia, je préviens, je me barre. Non, là encore, c'est... on te mute et on te kick. Voilà. Tu es banni. Là encore, c'est 87. Et c'est le studio... qui a signé le jeu avec la première synthèse vocale. Rien que ça. Le manoir de Morton. Ouais. Ah oui. Et ça reste un studio pour moi très très important. Parce que j'ai vraiment découvert le jeu PC avec le manoir de Morton. Le manoir de Morton. Donc ça, et Mopiti Island aussi. Effectivement, alors, des fois, il y a des erreurs de traduction basique avec ce jeu qui est étrange. C'est que des fois c'est Morteville, des fois c'est Mortevieille. Ouais, ça dépend, ouais. Moi j'ai toujours entendu Manoir de Morteville. Pour connaître un titre que ceux qui sont pas forcément aussi vieux que Boss Dick Appel, Vroom, sur Amiga. Ah oui, ils avaient la licence, ils avaient réussi à acheter la licence pour faire un jeu de Formule 1, et un très très bon jeu. Ils considéraient que c'est un des meilleurs jeux de Formule 1 de tous les temps. Hein. Ah oui, Vroom, c'était bien. Tilt d'or Canal+, en 1991, meilleure simulation sportive, attention. Devant Lotus Turbo Challenge. Ouais, avec une 3D vraiment bien foutue, quoi, tu sais, quand tu passes sous les ponts tunnels et tout, c'était bien fait. C'était impressionnant. Et pour ceux qui veulent jouer à Vroom sur console, c'est F1 sur Mega Drive, qui a connu aussi une suite, F1 World Grand Prix, et une dérivée avec des motos, Kawasaki Superbike. Voilà, donc, F1, c'est Domark qui l'avait. C'est édité par Domark, mais c'est des jeux là encore. Ah, mais totalement. C'est des jeux là encore derrière, donc voilà. On peut retrouver ces jeux sur console, pas forcément sur... Ne ressortez pas votre Amiga, il y a ça sur Mega Drive. Donc voilà, c'est juste pour dire que là encore, effectivement, les gens ont oublié, mais ils ont fait partie des gros développeurs français des années 80-90. Bon, après, ils se sont effectivement éteints. Je crois que la société, elle a fermé en 2001. Ouais, ils se sont fait racheter par Microïd ou un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. Microïd, c'est 2000. La boîte ferme en 2000. Et c'est dommage parce que là encore, c'est le studio de quand j'étais petit. Ouais. Et le Manoir de Morteville, même si maintenant ça peut paraître ridicule, dites-vous qu'en 87, avoir un jeu qui était quasiment intégralement doublé, c'était quelque chose d'exceptionnel. À l'époque des point and click où tu avais que du texte et voilà. C'est ça. Là, tu avais des véritables persos, tu naviguais d'étage en étage, tu pouvais interroger les gens parlaient. Bon, c'était une synthèse vocale, donc il n'y avait pas la fluidité qu'on pouvait attendre. Mais on comprenait quand même ce qu'ils disaient. Et pour 87, techniquement, c'était fou. Et oui, Fury précise, F1 est sorti sur Master System et Game Gear également, oui. Voilà. Mais la version Mega Drive est quand même... Oui. Mais c'était bien, son Master. Je suis d'accord, Fury. C'était très bien, son Master. On se voit qui c'est qui voulait parler d'un autre éditeur, vas-y. Il m'en reste deux, très brièvement. Vas-y, c'est bon. On a commencé en retard. Ouais. Des choses, enfin, pour le coup, un peu plus confidentiel, un autre un peu plus connu, hein, qui s'appelle Cocktail Vision. Qui connaît? Qui connaît? Moi, je connais. Ça sent bon la crevette. Voilà. Oui, mais pourquoi tu connais Boss Dick? Parce qu'ils font des jeux avec du zizi. Quoi? Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit ça de la manière la plus gentille possible, mais ouais, ben voilà quoi. Voilà. Ils ont aussi fait les Hadibou, sans déconner. Aussi, ouais. L'autre jeu que c'est eux. Ah oui, ils ont fait le grand écart quand même, hein, c'est sans mauvais jeu de mots. Ouais, non, mais. Ils ont fait un petit jeu aussi, une série de petits jeux qui étaient assez sympa du temps de l'Amiga, Goblins, avec les 3 i. Ah, ça c'était cool. Goblins, oui. Donc ils ont fait le fameux jeu Emmanuel. Ben voilà. Ils ont eu une bonne occasion de ressortir son Amiga. Et aussi un petit jeu sur MO5 auquel j'ai pas mal joué, La Malédiction de Tar. Que j'ai en boîte et qui est. La boîte me fait kiffer, mais le jeu, étonnamment. Donc, Cocktail Vision, 85-2005. Ils ont été super actifs. Non, oui. Oui, ils ont fait énormément de choses, mais. Comment dire? Après, c'est toujours compliqué de juger de la qualité du travail, étant donné qu'ils ont fait tellement de choses et que c'est parfois un peu compliqué de ressortir ces vieilles machines. Tu vas ressortir un MO5, t'as quoi? T'as pas de linker. Bon, maintenant, entre guillemets, pour les Amstrad, Atari et tout, encore te démerder. Et du coup, voilà, il y a plein de jeux qui sont un peu tombés dans l'oubli, qu'il va falloir tenter d'y jouer sur PC. Voilà, le point faible de ces machines-là à l'époque, c'était évidemment les bandes magnétiques aussi. Ouais. Malheureusement, plus on avance dans le temps, et plus c'est compliqué. S'il n'y a pas eu un effort de conservation du code d'une autre manière, bump littéralement. Ouais, et aussi, ce qu'il faut dire pour Cocktail Vision, c'est que certains jeux Cocktail Vision, surtout les jeux d'aventure, les dessins étaient magnifiques. Ah oui, La Malédiction de Tar, tu regardes la boîte de La Malédiction de Tar, tu dis, mais ça. ça a vraiment l'air craqué. Je crois que c'est eux qui vont faire. Ils ont pas fait un jeu Astérix, ceux-ci, ouais, sur Amiga, Atari ST. Le coup du menhir, ouais, je suis en train de regarder. Après, là où est-ce qu'il faut dire aussi, c'est que Cocktail Vision, c'est l'un des rares studios à l'époque où c'était une femme, Muriel Tramis, qui écrivait une bonne partie des jeux d'aventure. J'allais donc, ça ne se faisait pas. Quoi. Et effectivement, ils ont fait Emmanuel et Geisha. Geisha aussi. Ah, je savais pas celui-là, je connais pas. Si. Eh oui. Donc oui, c'est un très très bon éditeur. Merci Monsieur Chou. Ça fait plaisir. Et du coup, il me restait par contre un autre plus connu quand même, Lauriciel. Ah oui. Eh oui, totalement. Alors attention, bon, ils ont fait l'Aigle d'Or forcément, la série des Squeak. Non, pardon. Non. La série des Squeak, bon, pour ceux qui ont connu ces petits jeux. Il est sorti sur NES, Squeak ? Sur Squeak. On approche 23h là. Sur la chercher celui-là aussi en même temps. Squeak sur Game Gear, très excellent jeu. Et ils ont fait aussi sur Amiga 500 Disque, pour ceux qui ont connu. Ça me dit rien, ça, par exemple. Il me semble que c'était inspiré de Tron, Disc of Tron, non ? C'est pas ça, non ? Je sais pas, non, ça me dit rien, ça, je connais pas. J'essaie de rechercher parce que je connais le nom par cœur, mais pour le coup, ouais. Alors, ouais, c'est ça, c'est inspiré du film Tron, ouais, c'est bien ça. Ah, c'est le jeu de disque, alors c'est... Voilà, ouais, tout simplement, ouais. Et ils ont fait aussi Intox et Zoé, dont on a parlé tout à l'heure en intro, dans le mode qu'est-ce que ça fout là et c'est bizarre. Mais Lauriciel, ils ont fait plein de trucs éducatifs, non ? Oui. Ils en ont fait quelques-uns. Hein. Et ils ont fait aussi un truc tout bizarre qui s'appelle Billy la banlieue. Ah, oui, je connais. J'y ai joué pendant longtemps sur. Je connais, c'est. C'est pas tiré de trucs de Franck Margerin, ça ? Non ? C'est possible. C'est possible, hein. Attends. Ça serait pas la banlieue. Attends, je vais te dire, je suis dessus. Non, il n'y a aucune mention du truc. Non. Apparemment, non. Du tout, non. J'aurais pensé aussi, hein, parce que pour le coup, ça. Bah ouais, ça faisait un petit peu. Le design room. Ils ont fait par contre des gros jeux de chiasse comme Best of the Best, Championship Karaté, Panza Kickboxing. Ah, oh, Best of the Best. C'était pas dégueulasse. Hein. Non, c'était infâme. Non, c'était pas dégueulasse. Le seul problème, c'est que tu devais sélectionner tes coups. Au lieu de mettre tous les coups d'un coup pour que tu puisses jouer, on te disait choisis trois coups. Alors que l'animation était vachement cool. Ils ont fait aussi un jeu que je recommande à personne si vous avez une PC Engine. Davis Cup World Tour, un jeu de tennis tout pourri, sans doute l'un des pires jeux de tennis auxquels j'ai joué. Et pour je le comprends coup, mieux pourquoi il n'est pas dans le top 10 de JVC des meilleurs jeux de tennis. Non, mais pour le coup, je l'ai découvert comment ? Quand j'ai acheté une TurboGrafx sur eBay il y a quelques années, les fameux New Old Stock retrouvés en Allemagne par palette entière. Le jeu n'était pas cher, il était à 5€. Je vais le prendre, le jeu il est neuf. C'est un jeu de tennis. Ouais, moi, j'étais resté sur. Comment il s'appelle le jeu de tennis sur PC Engine qui est bien ? Final Smash, un truc comme ça, non ? Final Match Tennis, pour moi, l'un des meilleurs jeux de tennis de tous les temps. Voilà, moi, c'était le premier jeu auquel j'avais joué sur PC Engine quand j'étais gamin. Hein, donc, j'étais tout content. Je dis, peut-être c'est le jeu-là. me souvenant pas, en regardant la boîte, j'ai vu Lauriciel. Là, je me suis dit, un problème. Lauriciel, ils n'ont pas fait Squeak aussi. C'est ce que j'ai dit, ouais. Squeak, ouais. Je l'ai cité, ouais, c'était des bons jeux, Squeak. Oui, c'était cool. Tu as même fait ta blague, mais Squeak, Wozdik. Oui, non, mais je viens de percuter parce que je me suis rappelé du jeu, en fait. Vachement bien. Donc voilà, en éditeur français, c'est à peu près tout ce que j'avais. J'ai deux petits jeux comme ça en Counter Hit. Moi, j'en ai un qu'on a oublié. Oh, ouais, je t'en prie, vas-y. Et qui, paradoxalement, a quand même bien tourné, c'est Callisto. Ah putain, oui, j'avais oublié. À pas confondre avec le catcheur, quoi. Non. Non, mais Callisto, qui a quand même développé énormément de jeux. Et à pas confondre avec les barres de céréales. Oui, c'est pas Callisto. C'est pas pareil. Ah oui, Nightmare Creature, c'était eux. Et oui, et ils ont fait For With Thunder aussi, il y a eu Dark Earth, Pac McIntyre. Oh, Packing Time, c'est eux. Oh, c'est eux. C'est pour ça, Callisto. Oh, ils ont fait. Nightmare Creatures. Packing Time. C'était à l'époque, ça. Ouais. C'était un jeu qui était pas mal. Difficile à jouer maintenant, parce que, comme on l'a déjà dit, c'est de la full 3D. Oui. De l'époque. Oui. Mais pour l'époque, ça restait un jeu qui était suffisamment solide, avec une bonne DA, du sang partout. Oui, voilà, c'était... Joli monstre. Pas mal. Paradoxalement, ils ont fait aussi... ils ont aussi développé un jeu... Attends. Ils ont aussi développé un jeu à Dibou, apparemment, selon leur page Wikipédia. Non, mais à Dibou, il a léché tout le monde, tu sais. Il avait besoin de manger. Hein. Faut le nourrir. Et c'est aussi qui ont fait Cinquième élément, le jeu. Ah, là, par contre, j'y ai joué. Est-ce que t'en pleures encore? Ah, mais c'est immonde. C'est, ouais, c'est marrant parce que ce jeu-là me faisait penser à Fate to Black. Ouais, mais au pire. Oui, mais non. Mais ça, c'est un peu le même délire, en fait. C'est de la 3D, c'est dans des couloirs, un personnage... Ouais, oui, mais il n'y a rien qui le sauve. Dans Fate to Black, tu as une musique. C'est la même habilité qui suit pas dans Cinquième élément. Ouais, non, mais c'est la même démarche, en tout cas. Il voilà. n'y a rien, le Cinquième élément, c'est... Oui, il est pas... Et Callisto, c'est aussi les mêmes. Hein. Lucky Luke, La Fièvre de l'Ouest sur PlayStation. Ouais, mais ils ont fait mal de jeux. C'est quand même un... Non, mais il est tout pourri. Hein. J'y ai joué à l'époque. Ouais. Oh la vache, c'est... Non, mais c'est comme les Astérix en 3D qu'ils ont fait, celui où tu dois faire les mini-jeux. Oh putain, oui, voilà, oui, quoi. J'avais oublié celui-là. C'est toute cette période-là où c'est les visiteurs aussi. Oh, les visiteurs. Où tu prenais tout ce que tu pouvais et tu faisais de la 3D. Donc voilà, il y avait Callisto qui, mine de rien, a fait quelques jeux qui étaient pas mal. Donc c'est parfait. Donc maintenant qu'il ne reste plus de temps et qu'on va passer à la présentation d'un jeu que je vais vous faire moi-même. On est anti-breton sur ce stream ou enfin... Bravo, on a juste réussi à pas parler d'Ubisoft. Ouais. Mais c'est pas grave. Oh merde. écoute, je fais quoi? Dans 15 jours, on fait spécial Ubisoft. Je te promets à toi, cher public, effectivement, voilà, une spéciale Ubisoft dans 15 jours. Bah, c'est vrai qu'on pourrait tenir une émission. Ubisoft, on n'a pas le choix si on veut. Eh bien, écoute, dans 15 jours. Ouais. Dans 15 jours, si ça vous va, on en reparle. Oui, non, mais à la limite, c'est vrai. Il faut vraiment. Je pense qu'il faut. Il a dit beaucoup, hein. Il faut faire un podcast dessus. Parce que c'est vrai qu'eux, il y a de quoi ça faire. Ça mérite une émission spéciale. On ne peut pas en parler 10 minutes. Ouais. Du coup, en fait, c'était totalement planifié. On en a fait exprès. C'est ça. Mais non, mais pourquoi parler d'Ubisoft alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres éditeurs? Non, par contre, oui, c'est cool qu'on ait plutôt parlé des entre guillemets moins connus. Je pense que c'est vraiment important de le faire. J'aurais préféré qu'on parle pas trop de Johnny Cage et qu'on parle à la place d'Ubi, ça m'aurait fait plus plaisir. Ouais, mais non, Ubisoft, vu la palette de jeux, on peut en faire une spéciale. Et je vous dis même que dans 2 semaines, on fait une spéciale Ubi où on ne parle pas d'Assassin's Creed et dans 1 mois, on vous fait une spéciale Assassin's Creed. Ouais, alors là, on va peut-être se concerter avant. Mais je pense que là, on te laissera faire. C'est toi qui es le plus assermenté pour parler de. Ok. Voilà. Donc, j'espère que les gens qui nous écoutent. Je réfléchis quand même si on n'en a pas oublié. Là, il n'y a plus rien qui me vient. Hein. Voilà. Mais je pense que c'est bien, on a quand même parlé de pas mal de choses. Bon, après, on aura peut-être laissé échapper 2-3 éditeurs, mais on a essayé de faire un truc assez exhaustif. Voilà, on a parlé de ce qu'on a aimé, ce qu'on a moins aimé. Peut-être qu'il y a des gens qui seront curieux, qui seront, tiens, on va tester des trucs. Ça serait bien, c'est le but aussi de faire des cours. Et pour le coup, on a même un sujet pendant 15 jours. C'est plutôt cool. Et moi, je le redis, hein, je fais partie de la team Infogramme, ils ont fait des bons jeux aussi. Hein. J'ai pas insisté au début, mais je le dis. Mais oui, moi, j'ai Infogramme. Alors, moi, quand on me dit Infogramme, je fais pas des crises d'épilepsie, quoi. Enfin, non, mais pas du tout non plus. Hein. Voilà, je tenais à le redire encore. Et tu as bien raison. Donc, je crois que tu dois nous présenter un jeu, monsieur. Et donc, sur le coup, on va passer à une présentation de jeu. J'avais envie de vous parler d'un jeu ce soir parce que c'est un jeu que j'ai récemment évoqué plusieurs fois. Je l'ai tellement évoqué auprès de plein de différentes personnes que j'ai eu envie même d'y rejouer, et j'y ai rejoué sur le coup, qui est un jeu extrêmement méconnu. Je vous emmène en 2001. Alors, 2001, c'est pas compliqué, c'est le déclin de la Dreamcast, la fin de la Dreamcast, le demise, comme on dit en anglais, bref, ça pue. Mais... cela dit, Sega va tenter quand même dans sa dernière année de production, dans la dernière production de la Dreamcast, des coups. On verra fleurir des jeux comme Sega Gaga, doucement prévisionnaire. On aura du Shenmue 2 et il y a quelques jeux sortis totalement, passés sous silence, dont un dont je vais parler aujourd'hui, qui est sorti uniquement au Japon sur Dreamcast, qui a connu une version arcade sur Naomi qui est sortie au Japon et qui était distribuée de manière extrêmement confidentielle en Europe. Hearthstone. C'est un jeu qui s'appelle Cosmic Smash. Mmh. Alors, Cosmic Smash, qu'est-ce que c'est ? Déjà, avant de commencer à parler de qui c'est qui l'a fait tout ça. Cosmic Smash, imaginez un jeu de squash où la caméra serait placée dans le dos de la personne qui joue au squash. Jusque-là, ça va. Ouais. Rajoutez du breakout avec des briques à casser et rajouter des graphismes qui tentent le fil de fer plus ou moins. C'est qui est Pepsi Man, le perso. Façon Rez. Alors, pas vraiment Pepsi Man, parce qu'on est sur un truc qui n'est pas texturé. Ouais. Où on est dans... Enfin, c'est très difficile de décrire le jeu graphiquement, à part qu'il fait comme Rez. Il fait très simpliste, mais avec une vraie recherche de design derrière. Mm-hmm. Et donc, c'est une espèce de squash breakout en 3D. Où le principe, ça va être juste de déplacer votre personnage. On pouvait juste le déplacer, le faire sauter, donner des coups de raquette, ou alors utiliser un coup spécial qui va être puissant et plus directif, mais qui va faire défiler plus vite le temps. Par contre, le temps, c'est votre ennemi. Une fois que vous arrivez à zéro, le jeu se termine. Le jeu est composé de plein de petits tableaux successifs, et une fois que vous avez fait les premiers qui servent un peu de tuto, entre guillemets, vous aurez le choix entre trois chemins différents qui seront en gros le facile, le normal et le difficile. Le but final du jeu, c'est du scoring, ni plus ni moins. Bien jouer vous rapporte des points, ne pas perdre de balles vous rapporte des points, aller le plus vite possible vous rapporte des points, terminer par un super smash vous rapporte encore plus de points. Et à l'époque, il y avait un système de classement en ligne des meilleurs joueurs du Japon sur la Dreamcast. C'était pas commun. Hein. Voilà, ce qui était quand même très rare. On était bon voilà avec la Dreamcast qui est la première console à vraiment avoir mis un pas décisif entre guillemets dans les internets. Le jeu est développé par Sega Rosso, qui est... Personne n'a entendu parler de Sega Rosso ? Non. Ah, c'est eux qui ont inventé, qui ont créé, qui ont été les, qui ont sorti la série Initial D. Oui. Ah oui. Ah mais c'est pour ça. C'est Sega M3 en fait, c'est ça non ? C'est ça. C'est une petite branche de Sega. Maker, ouais. Voilà. Et c'est à eux qu'on doit Initial D. Las Bronx aussi. C'est vraiment. Et là, on chante déjà vu et tout. C'est Saxi. T'as eu quoi d'autre ? Ah zut ! La section Initial D, c'est vraiment après ils ont été fusionnés avec Hitmaker, à qui on doit Crazy Taxi notamment. Mais là, à l'époque, la branche Sega Rosso est vraiment connue pour les trois premiers volumes d'Initial D, les trois premiers et le premier sur PS2. Voilà, Initial D. Et donc le truc avec Cosmic Smash, bon. Autre petite anecdote tout à fait très utile, il est un des très très rares jeux Dreamcast à être sorti dans un boîtier format DVD contre les boîtiers cristaux normaux de tous les autres jeux Dreamcast japonais, ce qui ne sert à rien de particulier. À part à déclencher mes névroses quand je regarde ma collection. Parce que là tu classes par ordre alphabétique et qu'il y en a un qui n'est pas tout à fait... non D'ailleurs, moi, je fais une toute petite parenthèse en parlant de ça. La tranche de Nintendo Labo 1 et 2 est noire sur les jeux. Ah, oh, quelle horreur Voilà. Et donc, le truc, c'est qu'aujourd'hui, jouer à Cosmic Smash, alors si vous voulez jouer à un jeu original absolument, ça ne va pas être génial. C'est un jeu qui, aujourd'hui, va être très difficilement trouvable en dessous de 100 euros. D'accord. Parce que il est pas courant. Il était déjà pas courant à l'époque. Pas un jeu qui est voilà. Par contre, le gros avantage, c'est que, comme vous le savez sans doute tous, la Dreamcast fait tourner des CD gravés autoboutables et le jeu ne pèse quasiment rien. Une quarantaine de mégas. Gravez ça sur un CD et je vous en prie, faites-vous plaisir. Moi, j'ai découvert ce jeu en fait. D'une façon absolument terrible. J'avais ma Dreamcast et je gravais des jeux. Un jour, j'ai découvert une compile sur Dreamcast. Donc avant d'autres consoles comme la Xbox, sur Dreamcast, on faisait des compiles. Comment on faisait les compiles? C'est pas compliqué, parce que ces gars, ils sont tellement gentils qu'ils donnent tout pour faire des compiles, c'est-à-dire ils sortent un CD qui s'appelle Dream Passport, qui permet de lancer une interface, et à partir de cette interface, on peut lancer du code. Donc ouais. À l'époque, les gens se sont amusés à faire des compiles, tout simplement, avec des jeux qui pesaient pas très lourd. Et j'ai une compile 5 en 1, et parmi les 5 jeux, il y a ce Cosmic Smash. Windows CE, hein, les amis. Eh oui, oui, oui. C'est vrai que lorsque je l'ai découvert, moi j'étais, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Bah, voilà, on est dans à la même époque où j'ai découvert aussi Rez. Oui. La première fois qu'on joue, on se dit, what the fuck. Ouais, mais tu vois, Rez, je connais Rez, il y avait beaucoup plus de presse que... Oui, Cosmic Smash est passé inaperçu parce que tout n'est pas parfait dans Cosmic Smash. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, pas de côté artistique non plus très fort de Rez. Les musiques sont assez en retrait, le jeu est... Bon, par essence, extrêmement répétitif, et il est vraiment passé relativement inaperçu. Disons que c'est toujours la question de savoir ce que vaut un jeu. C'est-à-dire, aujourd'hui, enfin, à l'époque, mettre 400 francs ou 60 euros dans un jeu comme Cosmic Smash, ça paraissait un peu, un peu chéro. En arcade, je l'ai jamais vu. J'ai jamais vu la borne en vrai, personnellement. Donc je me doute que ça a dû être très compliqué de trouver, elle serait sortie. Et il y aurait eu quelques exemplaires en Europe apparemment. Oui. Et encore une fois, le jeu étant sorti donc en septembre 2001, on était vraiment peu de temps avant que la Dreamcast soit crucifiée, si ce n'était déjà fait. Je ne sais pas quand est-ce que la Dreamcast, c'est quand la date précisément où on a annoncé que c'était la fin. À peu près au moment de sa sortie. Et voilà. Je n'ai rien c'est... Il cesse la commercialisation en mars 2001 pour l'Amérique du Nord. La vache, ouais. Et voilà, donc la Dreamcast était déjà plus commercialisée en Amérique du Nord. Le jeu n'était pas encore sorti au Japon, quoi. C'est chaud de se dire qu'il y avait encore des jeux 64 qui sortaient en 2001, quoi. Mmh. Et pourtant, la 64, quoi. Enfin, je veux dire... Après, la Dreamcast subsistera... Oh, je vais y arriver. Au Japon jusqu'en 2004... Mais c'est évident que c'était plus des belles années. Les belles années à Dreamcast, je veux dire 99-2000 principalement. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, surtout, je répète, Cosmic Smash sur Dreamcast. Le jeu, je ne sais pas comment dire. C'est ça, parce que quand tu dis en même temps du squash et breakout en même temps, les gens te regardent, ils ont le quoi. Mais ça vaut le coup, voilà. Give it a try si vous avez une Dreamcast. Ça vaut le coup de graver un CD et de découvrir ce jeu après coup. Ok. Moi, je connaissais pas du tout. Moi non plus. Et à force d'entendre des gens me dire ça, je me suis dit, je dois en parler. Voilà. Ah bah oui, tu fais bien. Évidemment. Parce que même sur donc chez Bovine Divine que j'ai cité tout à l'heure, j'en ai parlé. Et les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? J'ai dit, bon, parfait. Voilà. Bah, c'est bien. Donc, on arrive tranquillement et doucement à la fin de ce numéro. Il est 23h quasiment 5. Voilà. On a commencé un petit peu en retard, mais je pense qu'on a bien fait le tour de tout ce qu'on avait à dire. Oui, totalement, oui. Par Ubisoft, hein, quand même. C'était bien rempli. Non, mais on a fait exprès, petite pelle. Tu te souviens, on a dit qu'on a fait exprès. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà. Et donc, sur le coup, on va se retrouver dans 15 jours, manifestement pour une spéciale Ubisoft. Ouais, on peut faire ça, ouais. Ah. Voilà, si on se met à annoncer le programme 15 jours avant, ça va être... Je crois que c'est une première. On va en parler pour l'occasion, on va le dire. Ah ouais, en plus, alors attendez, parce qu'en plus, ce sera... Ah, mais attendez, parce que dans 15 jours, il y aura peut-être autre chose. C'est quand, le 3 ? Il y a pas les 15 jours, ou le 3, un truc comme ça, non ? Ah oui ! On avait dit on faisait pas le... Parce que si c'est après le 3, on aurait peut-être fait un petit... Qu'est-ce qu'on attend de le 3, machin, tout ça. Oh non, bon, qu'est-ce qu'on attend de le 3, je pense qu'on peut zapper, mais... Ça ne dérangerait pas, il s'est à la place. Hein, mais le retour de le 3, ce sera plus simple. Mais après, façon, voilà. Bref, sur le coup, vous en faites pas. Tenez-vous informés par Twitter. N'hésitez pas à voter pour le Stropole sur le prochain sujet. Abonnez-vous. Alors cliquez non. Sur la petite cloche. Mettez. C'est pas compliqué. Donc le trois choix et trois fois Ubisoft, c'est ça. Quoique, faites gaffe, hein, parce que si on met que deux choix, ça risque d'être 50-50. Ubisoft et Ubisoft, et on va être bien emmerdé. Attendez, j'essaie de juste de... Non, ne pas flouer le public. Donc, non, le 3 sera après le prochain podcast. Oui, ah, vous avez... voilà. Quoique, on peut le zapper. Hein. Donc, on peut faire spécial Ubisoft dans deux semaines. Puis, le débrief de le 3, ça fera peut-être un peu... Mais si, on s'arrange, on se démerdera, on se débrouillera. On finit la réunion en off. Voilà, oui, ouais. On vous dit à bientôt en tout cas. Je vous remets rapidement le lien du Discord dans le chat. Les gens sont effectivement les bienvenus sur notre Discord où on parle de jeux vidéo, mais pas que. Non, des fois on parle de n'importe quoi. Oui. Voilà. Et oui, c'est vrai qu'on avait retrouvé la commande. Non, mais en plus hier mon bot il était mort, il était mort, il répondait plus à rien. Et là il est revenu. Donc sur ce, chers téléspectateurs et téléspectatrices sur le coup, nous vous souhaitons une bonne nuit. Des bisous. Merci à ceux qui étaient sur le chat, qui ont participé, qui nous ont écoutés. Le commissaire en manque de salut, petit. Voilà. Et des bisous à ceux qui regarderont et du moins qui écouteront la VOD sur YouTube. Voilà. Des bisous. Et n'hésitez pas toujours à répondre, à lire, à marquer des commentaires sur YouTube. On vous lit même si on répond pas. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Ouais. Des bisous tout le monde. Des bisous. Big bisous. Big bisous.